Coco, voici Alex qui m'a fui depuis. Il est en train de chercher les. C'est pas un mystère. Vous avez une convention la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, voilà, l'assemblée, on essaie l'invitation, l'assemblée est finie. C'est ce qui se passait à l'Obesu là, hein, parce que je ne sais pas où. Quand on avait quoi là-bas de ce côté-là? On avait une réunion quelque part. Le jour qu'on partait, il voyait les gens sortaient dans les voitures, ils disaient, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas ici là? C'est sûr. Alors, comme là, juste parce qu'on a battu, on a l'air. On a l'air. Parce que quand il va au champ, il passe par là-bas. Oui. Il passe parce qu'il y a champ à 21. Oui. Et je ne sais pas si tu as prévu quelque chose, mais je voulais poser une question. On regarde ces questions-là et puis je te laisse la main. Oui, pose-la. Parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Je ne sais pas. Si tu n'as pas l'élément de réponse clair, c'est pas, on peut renvoyer à la prochaine fois. Je vais parler de l'élément de la croix. Je ne sais pas si toi-même, toi, il dit toi en tant que personne, Alex, personne ressource de la Watch Tower, est-ce que tu as fait une recherche claire là-dessus ou bien tu as pris en considération ce que la Watch Tower a dit en vérifiant dans les Écritures? C'est-à-dire, n'est-ce pas, est-ce, toi en tant que prédicateur, est-ce que tu as vérifié que le fait que, parce que vous enseignez que Jésus n'est pas mort sur une croix, c'est un poteau. Il n'est pas mort sur la croix. Sur le croix, avec croix, une barre transversale comme ça là. C'est ce que vous enseignez. Comment est-ce qu'il me trompe? Exactement. Il y a, je crois qu'il y a des photos comme ça. Je crois qu'il y a ça ici. Dans les publications. Donc je ne sais pas. La question que je dis, c'est ceci. Est-ce que toi-même, en tant que prédicateur, c'est toi qui dirige l'assemblée ici là, est-ce que tu as vérifié pour savoir si ce qui est dit là, c'est dans la Bible? Que c'est ce qui est effectivement ce qui se passait quoi? Ce qu'il veut savoir. Voilà, parce que voici une image par exemple. Ici à la page 198 de ce qui concerne réellement la Bible, on voit Jésus ici. Là où vous parlez, par rapport, c'est quoi? C'est la 70 semaine de Daniel. On voit effectivement que la main est comme ça. Sur un pieu. Et la deuxième question qui est liée, c'est que j'ai d'autres images, c'est parce que je ne me suis pas préparé par rapport à cela. J'ai d'autres images de ce même Jésus qu'on va voir dans plusieurs publications. Un temps, c'est Jésus-là, la barbe, un temps, là-bas, la barbe. Ça m'intrigue vraiment. Il dit, je ne sais pas si, mais c'est l'aspect croix qui nous intéresse. Parce que la croix, c'est l'élément biblique. Pour la barbe, Si tu vérifies un peu très bien dans la majorité de toutes les publications, au niveau de la barbe, Si tu prends par exemple le livre, le plus grand homme de tout le temps, tu vas observer cela. Le plus grand homme de tout le temps. Oui, puisque c'est juste qu'on parle là. Oui, il a le plus grand homme de tout le temps. Et on regarde la barbe. Le titre qui est là-bas, la barbe. J'ai dit, j'ai d'autres publications. Comme on en a parlé, la prochaine fois, je vais mettre deux publications. Je vais voir clairement. Ici, Jésus n'a pas la barbe. Ici, il a la barbe. Et en plus de cela, c'est que si je te vois aujourd'hui, comme souvent tu veux essayer pas de barbe, ça c'est aujourd'hui. Mais si c'est pour le même événement, qu'on met deux Jésus qui n'ont pas de barbe, c'est le même événement. Parce que si c'est quand il marchait à Galilée, on pourrait dire que la barbe n'a pas poussé, elle essaie juste à pousser. Mais si je le vois et qu'il est sur le poteau, et qu'un temps il a la barbe, un autre poteau il a la barbe, c'est qu'il y a un problème vraiment, n'est-ce pas vrai? Sur le poteau, un temps. Oui, c'est-à-dire que dans une représentation de la Watch Tower, il y a un Jésus là-bas qui a la barbe. Dans une autre publication, il n'a pas de barbe, mais c'est au même événement. Il dit, mais si c'est dans les événements de sa vie, on peut admettre qu'un jour, il n'a pas de barbe, un autre jour, ça a poussé. Oui, ça a poussé. Voilà. Oui. Mais il dit donc que ça cause problème lorsqu'on le représente à la croix. Sur le poteau, avec la barbe. Avec la barbe, un temps sans la barbe. C'est intriguant. Oui. Mais pour la barbe, comme tu n'as pas regardé là-dessus, je voudrais qu'on regarde à l'élément croix ou poteau. Voilà, c'est bien comme mon cher a ouvert là-bas. Donc, je veux que tu m'expliques pourquoi vous dites que. Parce qu'après, je vais aller dans la Bible, je veux que toi et moi, nous constatons, et dans votre Bible, et dans la Bible normale. Pourquoi donc est-ce que les Watch Tower enseignent que pourquoi c'est de la croix? Pourtant, historiquement, c'est prouvé que les Romains punissaient les gens sur la croix et non sur les poteaux. Pourquoi? Je crois que j'ai quelques éléments par rapport à vous. Vous avez pris parce que la croix dit qu'elle a été pendue au bois, et ainsi de suite. Mais l'élément fondamental de la punition romaine, ça se passe sur la croix. C'est ça. Bon, déjà, ici, par exemple, parce que moi, je ne veux pas aller au-delà des recherches fournies par les saints fidèles de la visée. Bon, déjà, c'est que les saints fidèles de la visée disent. Bon, on va dire d'abord le livre. Voilà. On dit pourquoi les publications de la Watch Tower représentent-elles Jésus sur un poteau avec les mains au-dessus de la tête plutôt que sur la croix traditionnelle? Oui. Voilà la question qu'on pose. On dit. Ça, c'est dans comment raisonner par les Écritures. Le mot grec rendu parfois dans de nombreuses traductions modernes de la Bible, poteau de supplice, est en grec classique. Ce terme désigne simplement un poteau dressé ou pieux. Plus tard, il est venu à s'appliquer aussi à un poteau d'exécution muni d'une barre transversale. C'est ce que reconnaît un dictionnaire biblique en ces termes. Le mot grec stauros, que l'on traduit par quoi, signifie à proprement parler poteau. Bon, attends, arrêtons là-bas. Est-ce qu'on a cité le dictionnaire biblique qui le traduit comme ça parce que c'est quand même curieux de rendre quelque chose de grec qui est dans un grec ancien et que dont les dictionnaires, la majorité des dictionnaires et des encyclopédies rendent la chose claire. Non seulement ceci. Si on passe sur une définition, comme la dernière fois, on a pris la définition de la respiration, du souffle et de l'esprit. On a vu que ça pourrait avoir plusieurs orientations. Parce que pour qu'on puisse retenir quelque chose et prendre comme si c'était une doctrine, il faut qu'il y ait des preuves. Je vais dire ceci. Si dans la publication romaine, dans les choses romaines même de la Rome antique, quand le Seigneur Jésus était là, on voit que les Romains punissaient clairement et littéralement, archéologiquement, c'est prouvé que les Romains punissaient les gens sur des croix et non sur un poteau, un pieu comme ça là. Et à plus de cela, ce n'est pas quelque chose. Je ne parle pas pour dire que les chrétiens doivent utiliser la croix. C'est-à-dire que comme les catholiques font là, l'un doit s'étudier. Je comprends ton problème. Je vais arriver parce que tout à l'heure on m'a touché la Bible, que je vois que la Bible montre clairement que ça ne pourrait pas être sur un poteau. Il dit bien la Bible. Sans prendre les endroits, croix et autres. On va prendre des considérations. Tu dis bien que ça ne pourrait pas. Tu ne certifies pas. Oui, je ne certifie pas. Il dit que toi et moi, on va aller sur la constatation biblique maintenant. Et on va constater donc ce qu'il en est. Mais il dit comment ils n'ont pas donné le nom de la. Parce qu'on dit, quand on dit qu'un dictionnaire biblique dit ceci, je suppose que ça peut être tendance, je suppose que ça peut être orienté. Quelqu'un peut donner sa définition pour le faire. Parce que si par exemple, je prends Chérie, je prends l'une des anciennes traductions, les plus anciennes traductions qui sont un peu plus fiables. Où est le King James là? King James. Je prends que la version King James, c'est en 1610 que c'est traduit. La 1610 que c'est traduit. King James. La version anglaise, oui. King James, c'est l'une des versions qui a passé au test des temps. C'est-à-dire que ça n'a pas subi trop de modifications comme ça. C'est en ces dernières années qu'on a tenté de faire. Donc, mais il y a quand même les exemplaires de King James qui datent de 1610, qui depuis ce temps-là, et même dans les versions de Martin Luther qui, en 15 ans, en a traduit. Quand il a traduit, on a traduit par croix. Je ne comprends pas donc qu'en 18 ans, oui, en 1900, on veut écrire dans vos versions. Passez par exemple là. Ok. La version King James, partout on voit croix. Je ne sais pas si à la fin, là, il y a, je ne sais pas si ce sont des thèmes. Bible character. Bible. Donc, je ne sais pas pourquoi vous, dans la version, il faut aussi admettre que vous êtes l'une des rares personnes à utiliser plutôt le pieu, pas la croix. Non, est-ce que non, mais là, une chose avait déjà. Ah, donc vous êtes donc, explique-moi, okay. Alex, donc, explique-donc. Ok. Bon, parce que je vais finir de lire la phrase. Oui. J'ai commencé à lire, parce que là, tu m'as interrompu. Et si tu voulais laisser poursuivre la lecture, terminer la lecture. Peut-être le problème ne se serait pas posé. Voici ce qu'on continue en disant. Voilà. Le niveau de Stauros, traduit par. On dit, je reprends. Le mot grec Stauros, que l'on traduit par. Quoi signifie à proprement parler poteau? C'est un pieu dressé ou pali auquel on pouvait pendre quelque chose ou qui pouvait servir de clôturer un terrain. Même chez les Romains. La cruche dont dérive notre mot croix devait être à l'origine un poteau droit. D'Imperial Bible Dictionary, Londres 1874, de quoi, tome 1, page 376. Voilà, là, on a sorti ces recherches dans ce dictionnaire, par exemple, voilà un exemple. Et on a cité le dictionnaire. Et Alex, et toi tu es prédicateur, je dis par exemple, on met comme ça, tu as la source, tu ne vas pas vérifier si effectivement c'est ce que le dictionnaire a dit, parce que, et tu ne vois pas ce que le dictionnaire a dit. Et toi, maintenant, tu viens enseigner aux gens, ou bien tu, parce que tu as dit que tu te limites à ce que l'esclave fidèle a dit. Mm-hmm. En réalité, ça veut dire que vous, vous-même, en tant que prédicateur, en tant qu'être humain, vous ne vérifiez pas si ce qui est écrit est vrai. Comment je ne vérifie pas? Est-ce que tu, peux, est-ce que tu as vérifié ce qu'on a dit là-bas? Par exemple, ce dictionnaire, je ne l'ai pas vérifié. Ok. Je ne me suis pas lancé dans la recherche. Mais particulièrement, sans prendre le cas de ce dictionnaire, particulièrement l'affaire de la croix et des pieux. C'est-à-dire que parce que en fait vous êtes en guerre contre les chrétiens avec ça, on est d'accord, parce que vous allez voir ces mêmes questions là revenir. Est-ce que toi tu as fait une recherche personnelle? Faire une recherche personnelle, le problème c'est que moi par exemple je fais confiance à l'esclave fidèle. Quand il met un enseignement, tu sais, tu penses qu'ils sont vérifiés, ils sont moi, je fais confiance en l'esclave lorsque, par exemple, un enseignement est donné. Bon, j'attends, donc il peut arriver que peut-être l'enseignement a été erroné. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ils vont corriger. Ils vont toujours corriger. Mais bon, là, jusqu'à là, là n'est même pas le mais attends, si l'enseignement est erroné à un moment donné, ça veut dire que tu ne rends pas compte que tu seras en train de distribuer comme ça du poison aux gens. Non, je ne distribue pas. Et alors, tu n'es pas sûr que plus tard, tu pourras vraiment les mêmes personnes. Je ne distribue pas du poison. Parce que tu es sûr qu'à part la suite, ils vont corriger. Mais en combien de temps vont-ils corriger et puis tu seras en train de sortir pour prêcher cela? Bref, le problème, c'est que... Toi, tu crois que la foi, hein? Parce que parfois, il faut souvent, comme dorénavant, moi, je suis réfléchi, bon, dorénavant, il faut souvent qu'on ait trop vu. Oh, vouloir critiquer, Puisque moi, je resterai dans ma position. Voilà, en fait, tu resteras dans ta position parce que parce que j'ai dit ceci. La petite fille, tu resteras dans la position tout simplement parce que tu veux défendre l'esclave qui n'échappe pas à l'esclave. Parce que je veux défendre, hein? Parce que je suis dans le vrai. Toi, tu n'es pas dans le vrai. Ok, donc, dans ce cas, n'est-ce pas? Comme, regarde, mon cher, comment il s'appelle celui-ci? Michel. Ok, donc. Toi également, permets-moi de lui poser la question. Toi également, tu es sûr que Jésus est mort sur le pot et non pas sur la croix? Tu sais, tu penses que c'est ça? Ou bien c'est parce que l'esclave fidèle le dit? Moi, j'ai posé cette question à plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a poussé le père. Bon, c'est quand il arrive à la maison. Oui. L'esclave est dérangé. Oui. Bon, c'est qui a poussé le père à plusieurs études. Comme le père d'abord a eu aussi à fouiller. A fait la fouiller, oui. A fait des recherches sur ce sujet-là. Oui, tu lui as posé la question. Il avait plusieurs versions de la Bible, hors une autre version. Oui. Et là, il fait des recherches pour voir ce que les autres versions de la Bible disent. Oui. Et il a marqué les textes bibliques qui parlaient donc dans leur propre Bible. Oui. Comme la version 8 secondes, tous les autres, oui. Toutes les autres versions, Yéna et autres. Il a tout ça à la maison. Parce que quand il y a un sujet, il ne se voit pas sur une autre Bible. Oui. Il regarde aussi les textes bibliques dans d'autres Bibles pour voir ce que les textes bibliques là disent. Comme par exemple, les textes de Actes chapitre. Non, il est plus sur le poteau, on dit que sur le poteau. Il est pendu au bois. Acte ne parle pas de bois. Il parle du bois. De bois, oui, c'est ça. Oui, je sais. Donc, acte déjà, parle du bois. Et même, il y a plusieurs textes bibliques dedans qui ne font pas allusion au croix. Donc, c'est ce qu'il a connu. Donc, comment un cadre de la Bible. Et quand il va voir ces passages-là, quand il voit plutôt, là on dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui voient. Quand il va voir ça dans d'autres versions, dans plusieurs versions et dans toutes ces versions dont il parle, qu'est-ce qu'il va dire que, quand l'apôtre dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'on dit de pied ou bien de poteau? Étant donné déjà que la Bible, c'est le futur, n'est-ce pas? Il voit qu'il n'y a pas de mot croix. Dans quelle écriture? Alors, mais il n'y a pas de mot croix parce que vous avez décidé de traduire et enlever, pas vraiment. Oui, alors? Oh, regarde bien, il va te dire ceci. Voici une Bible qui est traduite en 1600. 1610. Et les gens, s'ils n'étaient pas tendance, ce n'étaient pas des catholiques, pourquoi vous dites qu'ils font ça par rapport à la tradition catholique? Vous venez en 1900 quelque chose pour réécrire en disant que non, c'est faux, ce qu'on a écrit, valeur, croix. Je dis, ou bien, en rentrant dans la Bible, disons, je pense arriver avant qu'on ne passe la parole et retourner autour du pot là maintenant. Alex, tu as dit ceci, que tu fais confiance à l'esclave fidèle et tu attends, et tu vas rester sur ta position par rapport à ça et je vais. Il ne défend pas la position de la croix par rapport à cela. Il veut seulement corriger parce que je suis sorti de la chambre et j'ai dit que ça m'intrigue. Maintenant, dans ma Bible, vois, et ouvre ta Bible, je vais donner un passage, on va lire, toi et moi, nous, dans le passage de la Bible, c'est un seul passage. On va lire et on va voir. J'ai la traduction du monde nouveau. Ouvrons dans le livre des Jean. Bon, comme tu as ma Bible, tu peux ouvrir aussi, Jean, pour qu'on vérifie. Je ne prends pas un endroit où il y a croix ni quoi que ce soit pour qu'on discute sur le thème. Je veux qu'on lise et avec cette photo-ci, la photo de la mort là, toi et moi, nous allons analyser ensemble. Lisons Jean au chapitre 19. Jean, chapitre 19. Bon, donc nous voyons dans Jean chapitre 19, d'accord, de le verset 6 d'abord, 6 et 7, donc, c'est dans la version de celui second là-bas, ma version de celui second. Je vais aller, je vais lire dans la version traduction de mon niveau, d'accord. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Chapitre 19, la Bible déclare dans votre version que « Cependant, lorsque les prêtres en chef et les agents le virent, ils criaient en disant « Attachez-le ». Sur un poteau. On dit qu'on l'attache sur un poteau. Or, on a cloué. Vous traduisez ici que on a dit qu'on attache. Et attacher quelqu'un ne veut pas dire qu'on cloue quelqu'un. C'est la première chose. C'est-à-dire que ça se passe comme si on l'attrapait. On devait attacher quelque part. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Regarde bien ce qui est écrit. Ils disent attachez-le sur un poteau. Pilate leur dit prenez-le vous-même et attachez-le sur un poteau. Vous voyez très bien que c'est le fait que il n'y a pas une traduction possible. Parce que là-bas, tu vois, remarque très bien que crucifiez-le. C'est ça, n'est-ce pas? Là, le fait que si on prend le Seigneur Jésus pour l'attacher sur un poteau, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il faut qu'on passe un clou sur sa main. Or, il n'y a pas dans une langue où attacher veut dire qu'on met le clou. C'est la première des choses. On va prendre. Il va essayer effectivement livrer Jésus-Christ. Après avoir fait, chérie. Pardon, pas de bruit, d'accord. Après, il va effectivement livrer Jésus-Christ pour qu'on parte l'eau, dans votre version, attaché comme on a dit. Alors, chapitre 20, lorsque les temps de tout vont passer, les femmes vont aller voir à la quoi au tombeau pour voir s'il est là. Il n'est pas là. Après, cette femme-là, Marie de Magdala, elle dit aux autres disciples que je n'ai pas vu Jésus-Christ, il est effectivement ressuscité. Pendant qu'on parlait comme ça, il y a un monsieur qui n'était pas là. Jean, chapitre 20 maintenant. Jean, chapitre 20. Ok. Verset 24. Donc ça c'est l'apparition que l'autre Thomas, quand il a apparu, je suis dans Jean chapitre 27 aussi. À partir du verset 24. Dans cette apparition, initialement à haut, Thomas n'est pas. Il dit Thomas, l'un des disciples de Jésus n'est pas là. Après il va jurer. Regarde maintenant verset 24, je lis toujours dans la traduction du monde nouveau. Mais Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Chérie, la fille s'y fait le bruit. Chérie, tu comprends de quoi je suis en train de parler. Il ne veut pas être troublé. Mais Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, écoute, suivons les paroles de Thomas. Et c'est là qu'il va nous conduire à quelque chose. Si je ne vois pas ses mains, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, j'ai pris votre traduction parce que c'est votre traduction qui trahit cela. Il dit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, non, je ne croirai point. Arnel, regardons, voici la parole de Thomas. Thomas dit deux choses. Il a dit que c'est la marque. Après, il dit que c'est des clous. Donc, là où les clous sont entrés, c'est au pluriel. On est d'accord? C'est écrit là-bas, noir et blanc, dans votre version, la marque des clous. Et il dit exactement où la marque des clous se trouve. Il a dit que c'est dans ses mains. Je veux que toi, Michel, montre-moi tes mains. S'il te plaît. S'il te plaît, c'est l'écriture, non, Alex, pardon. Non, s'il te plaît, Alex. Oui, non, Alex. Non, c'est attends, Alex. Voici la forme d'âme. Voilà, je veux qu'on réponde à mes questions et puis par la suite on va avancer. C'est tout ce que je t'ai dit en sortant de ça, c'est ça qui m'intriguait. S'il te plaît, réponds-moi. Voilà la forme de main. Et c'est votre version qui dit que cette marque de clou se trouve à l'intérieur de la main. Donc ça va se retrouver où? Ok, maintenant, voici la photo donc que vous avez dessinée. Où est-ce, Alex, Michel, regarde ici. Est-ce là où on a là où on a cloué Jésus, votre Jésus là, ça se trouve dans ses mains ou bien hors de ses mains? Ça c'est dans ses mains. Regarde bien encore. Tu me dis franchement, ça c'est dans quand c'est vraiment la Bible page 198. est dans ses mains. La clou là est passée dans ses mains. Hein? Mon junior, je veux aussi te poser une question. S'il te plaît, les autres. Mais permets que je te pose une question. Oui. Où est la main de quelqu'un? Non, mais attends, c'est moi qui suis en train de poser la question. Moi, je te pose aussi. Voici la main. Attends, la main de quelqu'un. Salue-moi. Hein? Salue-moi. La main de quelqu'un. Oui, salue-moi donc. Non, la main de quelqu'un. La main de quelqu'un commence ici. Ça, c'est le... Non, non, c'est non, non, Alain, non, non, non, non, non. Pas que je ne commence pas. Ah, non, okay, moi, je vais aller au mot. Quand on parle là. Ok, ok. Non, non, non. Montre-moi ta main. Non, tu crois que c'est ça. Ok. Lorsque j'ai dit par exemple, quand on dit la main de quelqu'un. Comme tu veux réactiver. Non, si je ne tourne pas. Non, je vais te suivre. Tu me suis. Dans ta logique de mot à mot. Non, non, c'est pas mot à mot. Pas mon la main, c'est quoi? La main d'une personne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une main? On prend le dictionnaire. Non, non, non, c'est simple, c'est simple. Junior, montre-moi ta main. Si on dit montre-moi ta main, qu'est-ce que tu vas faire? Lever les mains. Non. On dit lever les mains. Tu lèves comme regarde. Ça. Non, non, regarde, non, regarde. Tu as de tourner la Bible là. Non, je ne tourne pas. Je ne suis pas en train de tourner la Bible. On n'a pas mis le clou à Jésus quelque part ici. Non, j'ai dit la main, la main, la main. La main, ce n'est pas ça. La main, ce n'est pas ça. La main, ce n'est pas ça. Parce qu'on claire, toi et moi, nous avons fait le corps primaire. On dit qu'il y a le bras, il y a l'avant-bras, il y a la main. Alex, ne tourne pas. Non, non. Lorsqu'on dit lever les mains, c'est ce que tu fais, voici. Comment? C'est ce que tu fais quand tu lèves les mains, tu montres comme ça. Quand tu dis qu'on lève les mains, oui, tu montres comme ça. C'est la main que tu lèves. Non, c'est pas ça, Alex. C'est pas comme ça là. Regarde bien. Junior. Regarde bien, c'est pas Junior. Alex. Là, tu veux tourner. Ok, non, je ne tourne pas. Je laisse l'aspect main. Je laisse l'aspect. Dans ce cas, il laisse l'aspect main. Je vois très bien que tu sais très bien qu'il y a problème là maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ok, non, c'est toi qui vois les problèmes. Ok, comme il n'y a pas de problème. Non, non, comme tu as le problème, on a dit des clous. Combien de clous il y en a ici? Montre-moi ça. Prends. Prends juste cette image, montre-moi combien de clous sont entrés dans ses mains. Allons-y. Prends donc la photo. Prends. Arrête, c'est toi. Montre-moi combien de clous il y a sur les mains de Jésus. Donc, comme tu es trop sage pour montrer que c'est dit, les mains. L'autre a dit la marque des clous. Oui, il a dit des clous, oui. La marque, on dit la marque des clous. Oui, montre-moi donc combien de clous. Quand on dit la marque des clous, il veut voir la marque des clous dans ses mains. Non, non. Oh, quand j'ai arrêté un peu, non, je dis, si on m'a cloué comme ça. Oui. Et maintenant, tu dis, tu veux voir la marque des clous sur les mains d'Alex. Oui. Oui. Étant donné que je suis prié comme ça, quand je vais montrer, il n'y aura pas la marque. Non, Jésus, c'est clair en grec, comme la croix, comme on dit ça en hébreu, c'est en grec. Oui. Oui. Mais, regarde un peu dans la Bible, le chapitre 20, au verset 36. De quoi? De Actes. Oui. Non, non, non, ne quittons pas cela. Le genre, dit, d'abord. Il dit que. Tu dis déjà. Non, je suis là dans votre version, oui. Jean 20, oui. Verset. Tu as dit verset 30, non? Non, Jean 20, il n'y a pas de verset 36 là-bas. C'est le verset chapitre 19. 19, verset 36. Il dit oui, ces choses sont arrivées afin que la parole de l'écriture. Ça, c'est votre version, hein. La parole de l'écriture s'accomplisse. Pas un de ces os ne sera broyé. Et encore, une autre parole de l'écriture dit ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, déjà. Oui. Ta main est composée d'os. Oui. Vrai ou faux? Comment tu dis ta main composée de la main? La main n'est pas composée de douce. Bon. La main n'est pas composée de. Ne dis pas comme ça là. L'os fait partie de toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps. Oui. Et on peut être cloué si ça ne touche pas l'os, ça ne brise pas l'os. A aussi les os, n'est-ce pas? Oui, la main. Voilà, la main a aussi les os. Non, mais c'est quand même curieux. Mais c'est quand même curieux. Touche bien ta main. Tu vas voir très bien qu'ici, il y a un trou entre l'os et l'os. Touche bien là. Touche bien là. Comment tu dis que. La Bible ne peut pas mentir. Quand la Bible dit qu'aucun de ces os ne sera broyé, il n'y a pas un seul endroit où l'abus. Oui. Regarde bien, touche ta main. Touche ta main. Tu connais la taille et la grosseur des. Mais. Attends, c'est quelle philosophie là? Bon. Je recommence encore. Junior, écoute un peu. Écoute aussi, je vais te dire quelque chose. Ça ne sert à rien ce qu'on fait là. Moi, par exemple. Tu penses que ça ne sert à rien? Non, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Et tu penses que c'est que tu quand il va te remettre les paroles maintenant, c'est que tu vas me dire, non, c'est ça qui va servir à quelque chose. Non, tu n'es pas obligé de voir. Non, non, moi je viens, attends, moi je viens. J'étais pas seulement à régaler quelque chose. Moi, écoute un peu, moi quand je viens, moi par exemple, je viens prêcher le royaume de Dieu. Mmh. Pour que j'entre dans le royaume. Mmh. Pour que tu entres dans le royaume. Donc tu es sûr que je suis hors du royaume. Quand tu es hors du royaume. Ok, et le royaume, pour que j'entre dans le royaume, il faut que je sois d'acheter le témoin de Jéhovah. Maintenant, moi, je viens te parler du royaume de Dieu. Mmh. Mmh. Oui. C'est le royaume que je prêche. Alex. Et permets que je finisse. Mmh. Mmh. Et ce royaume que je viens te prêcher, le royaume, le message royaume que moi je viens prêcher, ce n'est pas un message apolémique. Ce n'est pas un message où on va commencer à vouloir décortiquer les phrases françaises. C'est pas ça, c'est pas décortiquer une phrase française, Alex. Nous, par exemple, nous, témoins de Jéhovah, nous enseignons que Jésus est mort sur le poteau. Est mort sur un poteau. Et d'ailleurs, quand on prend, j'ai commencé à vouloir lire. Pour lire le mot, parce que pour qu'on comprenne déjà bien, avant d'arriver sur. Parce que là maintenant, c'est le français qu'on en tient de lire. Dans traduction du monde nouveau. On en tient de lire le français, dans la traduction du monde nouveau, c'est le français qu'on en tient de lire. Oh, ces paroles à l'origine. C'est en grec. Ont été prononcées en grec. En grec. Voilà. Oh, quand tu prends tout, c'est toi qui fais des recherches dans les revues et autres consorts. Quand tu vas lire le mot pios, toros, machin, truc, dans tous les livres que tu vas lire qui traduit le grec en français et tout, tu vas toujours tomber qu'il s'agit d'un poteau. D'un poteau. Et on est d'accord, Junior. Non. C'est pas ça. Comment tu veux dire que c'est juste parce que si partout, si lors de mes recherches, n'est-ce pas, Alex, si lors de mes recherches, j'avais vu que. Moi, je veux donc te donner les référents. Non, tu ne t'inquiète pas. Tu peux avoir comment raisonner, même dans Washington. Non, je l'ai. Je l'ai. Tu peux avoir. Maintenant, va donc lire toutes les références qu'on a donc données là. Non, Alex. La définition. Alex. Non, moi, je t'envoie là. Alex. Je les ai lues. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que toi, en tant que prédicateur, tu as lu? Parce que les références que je l'ai prises, quand j'ai vérifié, c'est pas ça. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu as lu? Non. Junior, tu es juste peut-être de mauvaise foi. Ok, non, si, mauvaise foi, dis-moi, il y a, attacher quelqu'un sur un pied, ça veut dire que on le cloue. Jésus a été. A été cloué. Parce que quand on va dire le mot attaché, quand on va peut-être. Quand on lit l'expression attaché, peut-être que tu vas t'approcher sur l'expression, on a dit attaché. Jésus a été cloué sur un poteau. Quand dans toutes nos publications, dans tu vas lire, permets que je finisse de parler, tous les brochures qu'on a tient de lire, qu'on a eu à écrire sur la façon dont Jésus est mort, on explique comment le poids déchirait et tout. Qu'est-ce qui déchirait? Et justement, ce sont les clous qui déchiraient. Et justement, j'ai lu donc des spécialistes dans ce domaine. Ils ont dit que de cette façon-là, je ne peux pas mourir. De cette façon-là. Je te dis ceci, Jésus n'a pas été attaché. Non, je ne parle pas d'attachement. Je te dis que, regarde, déjà, j'ai pas dit qu'il a été attaché. J'ai dit que le seul fait qu'on dit que attachez-le vous-même montre que ce n'est pas un clou. Parce que c'est seulement votre version qui dit attaché. Juste en disant que la façon de clouer Jésus comme ça, n'est-ce pas? Il dit que les spécialistes ont démontré ça, comme tu as parlé de. Si on vérifie, les spécialistes ont montré effectivement que si de cette façon-ci, il ne peut pas mourir tout comme ça. Là. Je suis en train de te dire ceci. Peut-être parce que tu ne comprends jamais que j'aille. Tu ne permets jamais que j'aille au bout de ce que tu dis. Je suis en train d'expliquer que dans tous nos écrits, tous les écrits que la Washtawa a mis sur pied, parlant de la mort de Jésus, on explique très bien que Jésus a été cloué. Et non attaché avec les cordes. On n'a jamais dit dans nos publications. Non, j'ai pas dit ça. Et toi-même, tu n'as jamais lu dans nos publications que Jésus a été attaché. Non, qu'il était attaché. C'est pour ça que je me dis. Non, j'ai pas dit. J'ai pas ouvert ma bouche. Je dis que dans une publication, c'est attaché. Mais si vous allez là-bas pour montrer clairement que. S'il lit là-bas, il va dire clairement que crucifiez-le. On a dit qu'est-ce qu'il veut faire. Il dit dans Julie Second. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre Jésus. Il a dit crucifiez-le. Pilate va dire allez, crucifiez-le vous-même. Maintenant, vous avez traduit plutôt par attachez-le vous-même. Mais je te pose une question. Quand tu lis ici, il a été bien dit, même quand tu lis le mot plus, parce que le mot crucifié, c'est en latin, il s'agit d'un poteau. Cruce. Cruce veut dire croix. Le mot cruce, il dit bien cruce en latin. Là où j'ai lu ça, attends, je vais te montrer, il y a les références. Oui. Il y a les références qu'on a. Alex, si tu discutes, on part, il sort dans le dictionnaire biblique. C'est dans comment on raisonne par les écrits, par des écritures, à partir des écritures. Bon, je sais, si tu as le dictionnaire de Imperial Bible, apporte-nous ça. Tu 1974. Parce que j'ai vu des documentaires sur National Geographic. Ne sortons pas hors des choses que. Ne sortons pas hors des choses, restons dans la Bible. Parce que j'ai vu dans la nation géographique, les gens ont dit que Jésus avait une femme, toujours avec Marie de Madala. Donc, là, on ne sort pas. Oui. Qu'est-ce qu'on disait là-bas? Oui. ont montré clairement là-bas que donc c'est ce qu'ils disent, on leur montrait des effets de francs-maçons et autres. Mm-hmm. Les francs-maçons avant étaient une Templiers. Oui, donc ils se disaient adorer Dieu, mm-hmm. parce qu'ils tenaient leur réunion dans les églises, parlaient de Dieu, et d'ailleurs on a montré les statues des fruits de Jésus. Mm-hmm. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que dans leurs photos, mm-hmm. ils n'ont pas Jésus avec des clous sur les mains, mm-hmm. à ce niveau. C'est tout ici qu'ils mettaient les... Donc attends, ça devient intéressant. Donc tu dis que dans le documentaire des francs-maçons que tu as vu là, oui. tu as remarqué qu'on a montré Jésus, le Jésus donc les francs-maçons montraient là, ils n'avaient pas les clous à l'intérieur de ses paumes de main, mais au niveau de là où vous avez montré dans le truc-ci. Oui. Et ça reconforte encore ta position que... Qu'est-ce qu'il disait? Mm-hmm. Il disait que, étant donné que la Bible, parce que c'est même pour ça que j'ai eu le conseil de faire public, mm-hmm. étant donné que la Bible dit qu'aucun de ces hommes n'a été broyé, mm-hmm. et quand ils montraient, bah, parce qu'ils sont allés en profondeur, en montrant même jusqu'au clou utilisé, pour pointer les donc ils ont entre les mains, ils ont ça leur possession, bon, parce que ils ont le type de ça ou bien ils ont ça entre les mains. Bon, pas les clous. Ok, ou bien les clous de cette époque là. Avant de faire les documentaires, mm-hmm. on fait des recherches, mm-hmm. voir tout ça, ce ne sont pas des qui vont parler, mm-hmm. ce sont les journalistes qui vont attacher les historiens. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont montré les clous. Mm-hmm. Ils disaient que le clou là ne pouvait pas permettre qu'on te mette ça sur la main sans broyer un os. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ici, il y a deux os. Mm-hmm. Et entre ces deux os là, il y a un vide. Donc, c'est là qu'ils clouaient généralement, mm-hmm. leur malfaiteur. Donc finalement, ça veut dire que la prophétie auquel le saison sera broyé, il y a plusieurs personnes donc qui sont passées à la crucifixion, oui. avec les prochains Romains et dans les os ne se broyaient pas. Bon, c'est que c'est pas seulement Jésus. À quel niveau, mm-hmm. il y a un peu de texte de. Donc le même texte, oui. pas en haut encore, oui. au niveau de... Là on a percé ses côtes. Là on a percé les côtes de Jésus. Mm-hmm. Non seulement ça, mm-hmm. à ce temps-là, mm-hmm. quand on voyait que le mafité ne mourait pas facilement, parce que déjà tes percé. Non, ça c'est le deux mafité qui était à côté de lui. Pas juste couler, mm-hmm. pas juste faire couler de sang. Mm-hmm. Mais Jésus dit qu'un... On te broyait. Je comprends, Jésus en est dit ici. Jésus en est dit ici. Jésus a été coulé avec deux personnes. Quand, puisque la fête était, on ne peut pas laisser quelqu'un abattre sur le cadavre le jour là, on vient vérifier s'il n'est pas mort, on broie le pied. En venant, Jésus était là mort. Pour qu'il m'invite. On a broyé le pied de deux ans, on n'a pas broyé pour Jésus. Mais si ce n'était pas le jour de fête, si ce n'était pas le jour à cause de la fête des Juifs, parce que c'est à cause de la fête des Juifs qui fait que les gens soient. Qu'on laisse le cadavre en haut. Si ce n'était pas à cause de faire le jour, on le laissait même ses quatre, même ses cinq, il va finir par mourir. Donc, des temps assez. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un autre détail, comme tu le dis. C'est mm-hmm. vrai que c'était la fête, mm-hmm. mais dans le même temps, puisqu'il y avait une prophétie. Oui, il y a une prophétie. Il dit. Mm-hmm. Donc, il y a même dit le fait qu'on est même venu mm-hmm. broyer. Oui. Mais ils ont des autres. Pourquoi la prophétie oui. s'accomplit non, aussi. Non, toutes les prophéties liées à l'amour de Jésus se sont accomplies littéralement. Mais je vais dire ceci parce qu'il y en a parlé des National Geographic pour montrer que les recherches ont montré que c'était ici qu'on a cloué, n'est-ce pas hein? Ok, ces recherches là, ça se passe maintenant. Ils vont faire monter les images. On est d'accord. Donc ça montre clairement que les francs-maçons croyaient en Jésus que vous croyez. C'est ce qu'il a dit, parce que ce sont les francs-maçons qui ont découvert cela, c'est qu'un problème. Ce qui m'a aidé, c'est quoi? Mm-hmm. Déjà, les témoins de Jéhovah sont concrétisés par la majorité des religions. Mm-hmm. Mais avoir déjà un détail mm-hmm. qui coïncide avec nous, c'est ça qui m'a le plus intéressé. Mais le problème, c'est que ça vient de chez les francs-maçons, c'est les francs-maçons qui ont donné cela. Non, mais avant qu'ils ne disent ça, c'est vrai que la Messie que j'ai découvert cela. Non, mais c'est toi qui as découvert cette année-ci. C'est toi qui as fait tomber la Messie, mais c'était là. Fait depuis que les témoins, eux, à partir de leur recherche, mm-hmm. ont découvert pas mal, parce que déjà, pour traduire notre Bible, mm-hmm. ils ont eu à faire des recherches pour cela. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'ils ont fait les mêmes recherches que les francs-maçons ont fait. Tout le monde, n'est-ce pas, mm-hmm. peut très bien. Traduit, mais pas comme bon, par exemple, on donne un texte en anglais. Oui. Chacun a sa compréhension. Mm-hmm. Tu as peut-être une licence. Mm-hmm. Moi, je n'ai qu'un bac. Mm-hmm. Est-ce qu'on aura le même terme sur nos traductions? Attends, il y a un jour pourquoi on soit sûr, n'est-ce pas? Si on dit chaise, oui. tu vas donner si c'est chaise, parce que c'est une phrase. On peut dire une phrase différemment dans plusieurs langues. Oui. Mais quand on va lire la phrase, on va comprendre ce qu'il en est. Parce qu'on peut dire house, on peut dire par rapport à la maison, on peut dire case, quelqu'un peut dire case, quelqu'un dit bâtiment, quelqu'un dit maison. Oui. Mais quand on va dire un mot, il y a donc les synonymes. qu'on va utiliser. Mais si on dit par exemple, pour le cas qui nous intéresse, n'est pas une phrase qui nous intéresse ou quoi que ce soit, c'est le mot croix. Et Alex, tu lis dans la page 79 de comment on pas écrit, tu dis, c'est traduit parce que normalement, en grec, ce n'est pas cruz. C'est pas cruz. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc maintenant, c'est en latin qu'il nous a donné parce que la vulgaire était écrite en latin. Quand la vulgaire est écrite, on écrit cruz. Cruz, donc, il dit, c'est ici donc que ça devient intéressant. C'est les Romains parlaient la langue latine. On est d'accord? Et c'est eux, l'archéologie. Par contre, tu parlais des National Geographic tout à l'heure là. Si on avait le temps, je mettrais un documentaire ici justement. Cette fois-ci, des archéologues qui ont fait des recherches sur le temple de Salomon. Tu vois exactement comment ils partent creuser sur les pyramides, les recherches qu'ils ont fait, les anciens trucs. Et on va voir clairement que c'est la croix, pas le poteau, dans les, même dans les écrits romains. C'est-à-dire quand on tuait les grands bandits, les Romains écrivaient, les grands écrivains romains écrivaient comment on l'a tué. On va voir que les punitions qu'on l'a infligées, c'était ça. Je vous promets, la prochaine fois que vous allez venir, je vais vous montrer les documents là-dessus. Pour qu'on oui, moi aussi, ça. Tu es aussi d'accord que moi aussi, non, je vais faire les mêmes recherches. Non, moi, je n'aurai pas le temps d'aller fouiller. Mais ne cesse les pages, si tu vas lire, au sorti d'ici, n'est-ce pas? Je vais prendre les références, je vais noter. Je vais chercher ces références parce qu'il sort les choses pour qu'on fasse la synthèse. Mais au-delà de ça, toutes ces recherches-là, c'est hors de la Bible. Oui, ça, c'est hors de la Bible. Mais quand on rentre dans la Bible, Alex, n'est-ce pas, honnêtement parlant, j'ai pris tout à l'heure, j'ai pris le verset. Non, moi, je t'ai dit que non, là, ça il faut pas s'inquiéter. Il faut pas. Parce que si on se met à expliquer le mot attaché sur le photo. Non, c'est pas attaché sur le photo, je te dis. On a tout ça depuis. On est au niveau de là où Thomas, on en est raconté à Thomas que nous avons vu le Seigneur ressusciter. Thomas commence à faire des conjurations. Il dit que tant que je ne vois pas la marque, il n'a pas dit les marques. Alors maintenant, comme tu as dit que c'est le français, comment il y a deux marques, Thomas dit la marque. Il dit la marque des clous. Donc, il dit que ce sont les clous qui ont causé ces marques. La seule possibilité pour que ce soit les clous, il faut qu'il y ait un clou qui est percé à gauche, un clou qui est percé à droite. C'est la seule possibilité que ces versets-là soient exacts. À moins que vous traduisez ça autrement. Ou mieux, tu m'expliques ça autrement. Quand il dit la marque. Regarde bien, je relis encore. Mais la Thomas marque. Dit, mais Thomas, l'un des douze, je suis au 24 du chapitre 20, mais Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Verset 25. Les autres disciples lui disaient donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas ça, c'est dans votre version. Je ne sais pas, je veux que tu lises aussi dans celui second, et tu me permets de lire en anglais ici, dans le King James. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains, il dit que c'est dans. Dans ses mains. Et si on regarde dans ses mains, Alex, le mot dans ses mains ne peut être que dans les paumes de main. Je veux qu'on soit honnête là-dessus. Parce que c'est moi qui ai traduit dans votre version. Dans sa main. Non, ne me dis pas que tu veux qu'on soit honnête. Hein? J'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question banale. Oui, hein? Oui. Que quand on parle de la main, c'est quoi une main? J'ai posé cette question-là, que la main, c'est quoi? J'ai posé la question. Hein? Jusqu'à là, toi, tu ne m'as pas répondu ce que c'est qu'une main. J'ai dit la main, c'est quoi? Ok, quand tu lis ici, tu comprends qu'on parle de quelle main? Que dans ses mains. Donc, je veux que tu m'expliques en tant que prédicateur. C'est dans votre Bible. Dans votre Bible, on dit que Thomas dit que je ne vois pas les marques de clous. Je ne vois pas dans ses mains la marque de clous. Quand on dit dans ses mains, de quoi est-ce qu'on en est parlé? Lorsqu'on parle dans sa main. Parle-moi comme si je ne connaissais pas la Bible, oui. Non, pas que si je ne connais pas la Bible, ce n'est pas ça. Hein? Non, je voulais dire que si tu trouves quelqu'un. Attends, moi je veux aller sur le terme main. Qu'est-ce qu'une main? Quand on parle de la main, c'est quoi la main d'une personne? Essaye de m'expliquer. Et te donner l'explication que tu as dit, est-ce que m'expliquer c'est quoi la main? Moi, quand on parle d'une main, oui. C'est tout l'ensemble ce qu'on appelle. Donc, allant main. Donc, on dit bien, c'est tout l'ensemble ce qu'on appelle la main. Donc, Alex, maintenant, moi, permets que je finisse. Oui. Maintenant, donc, la main dans son ensemble a donc des composants. Oui. La main est composée par quoi? Voilà dans la main d'abord. Oui. C'est ça qu'on appelle la main. Maintenant, dans les composants d'une main, on va dire il y a l'avant-bras, il y a le bras, et la main. Et on dit il y a la paume de la main. Ça, c'est la paume. Non, ça, c'est la chose que tu as touché, c'est la paume. Je dis ceci, n'est-ce pas? Tu dis que, d'après la définition que tu connais, la main part de l'épaule jusqu'à l'extrémité de ces doigts-ci. Oui, et c'est décomposé par quoi? La partie, c'est qu'on appelle comment? D'ici à là-haut. La partie, c'est. Non, pas ici, d'ici à haut. D'ici, parce que c'est en articulation d'ici du poignet à l'extrémité du doigt. Qu'est-ce qu'on appelle la partie ici? On appelle ça comment? Bless. On appelle la partie ici la main. On appelle la partie ici la main. Cette partie ici, on appelle ça la main. Oui. Mais le fait qu'on appelle cette partie ici la main ne veut pas dire que ceci hein, tous les autres parties, ce n'est pas la main, c'est toujours la main. Donc nous sommes déjà d'accord que c'est à partir du poignet, suis attentivement, d'après la définition que tu as donnée, à partir du poignet jusqu'en haut au niveau du doigt. Si on appelle ça la main, alors c'est de cette partie-ci dont votre main. Non, pas forcément. Toi, est-ce que vous avez considéré que si on parle les marques de goût sur ses paumes de main? Comment? Non, la marque ne peut pas être sûre. Non, parce que là, ça s'est passé. Oui, parce qu'il faut en bas de l'âge, juste des paumes. Regardez, n'est-ce pas? On comprenait qu'il y avait plus de polémique à faire. Comment? Oui, si on dit les je recommence encore. Tu es d'accord avec la définition de main comme il a donné? On aurait pu accogiter s'il disait dans les paumes de main. Là, on aurait pu le débattre. Quand il dit la main, la main. Il n'a pas dit la main. Non, attends. Non, il n'a pas dit la main. Il a dit dans ses mains. Dans veut dire à l'intérieur. Dans ses mains. Oui, ça fait allusion à tous les deux bras. Donc ça veut dire à l'intérieur là. Bon, on t'a amputé, on t'a amputé une main. Non, pas amputé. Bon, on t'a amputé. J'ai envie de coucher, j'ai envie de sortir. On m'a coupé le bras. La main veut dire qu'on t'a seulement retiré la paume. Si on dit qu'on t'a coupé la main, ça veut dire qu'on a coupé à partir d'ici. On lui a coupé la main. On dit que le bandit a tendu la main, on a coupé. Tu tends, c'est la main que tu tends. Alex, on a envie de sortir de la chose. Non, on ne sort pas. Non, moi je veux rester sur le français. Oui, restons donc. Ce n'est pas moi qui a créé le français. C'est toi qui as défini, non? Moi, je t'ai posé une question. On me coupe ici. Attention, on me coupe ici là. On t'a coupé le bras. On m'a dit qu'on m'a coupé. On t'a coupé le bras. Que ce soit le bras ou que ce soit la main, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Junior? Non. Je vais vous répondre avant qu'on avance. J'ai dit si. Junior, on t'a dit, hein, tu n'es pas obligé. Il y a une chose, hein, Junior. Quand moi je t'ai dit, peut-être ta femme, je sais même plus venir. Quand moi je t'ai dit, il ne faut pas te mettre à contredire. Parce que tu es libre de contredire, mais moi je viens ici, je ne viens pas dire que tu as raison, l'autre a tort. Je ne pense pas que tu ne contredis. Je remets seulement pour que nous réfléchissions. Tu dis que tu veux me prêcher. Attends, Alex, n'est-ce pas? Tu remarques, tu es libre de remettre en cause. Hein? Mais moi je t'ai dit et j'avance. Je ne peux pas mourir là, caler là sur place. Quand je viens, c'est. Moi je ne viens pas perdre le temps ici. Non, attention, regarde. Je ne viens pas perdre le temps. Tu as deux volets. Tu as le volet de m'amener dans le royaume, c'est ce que tu as dit. Quand tu viens prêcher le royaume. La base du royaume que tu veux me poser, tu veux me prêcher, c'est la mort sacrificielle de celui-ci. De Jésus. Si c'est un faux que tu as de me présenter, tu ne peux pas accepter. Oui. On est d'accord. Oui. Mais maintenant, donc, si moi je te présente, tu n'es pas d'accord. Je ne veux pas t'amener. Hein? Non, c'est pas. Même si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas possible d'entrer dans ton royaume. On est d'accord, c'est là-dessus. Il dit bien si, pas, à l'instant où j'ai dit que tu pas. Si tu remets en cause une autre fois, tu remets en cause. Ceci, bon, quand tu voulais qu'on mette ceci, non, pas que je voulais, pas que je voulais, il y a une chose, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit que on peut recevoir un autre évangile, on peut prêcher un autre Jésus, on peut recevoir un autre esprit en dehors de l'esprit de la Bible, en dehors de Jésus. Mais nous, témoins de Jéhovah, nous, on prêche le Jésus de la Bible. De la Bible. Alors maintenant, voici donc la photo de votre Jésus, de votre Jésus ici. Et c'est voici votre Bible. Je les mets côte à côte, mon cher Alex. La définition, tu m'as dit tout à l'heure qu'on appelle tout ceci le bras aussi. Et je lui ai posé la question que du poignet jusqu'ici, jusqu'aux extrémités des orteils, des doigts, qu'est-ce qu'on appelle? Tu as dit que c'est la main. Ok, admettons donc que même si on appelle tout ceci main, il a dit que la marque de clou se trouve dans les mains. Et tu as dit que c'est au niveau depuis les jointures là, jusqu'à l'extrémité qu'on appelle main. Et il a dit que c'est la marque des clous. Il y a un seul clou qui a pénétré les deux mains ici, là, les deux poignets. C'est au niveau des poignets qu'on a cloué ici là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de mot grec pour poignet? Pour que l'autre dise. Tu dis ceci, oui, je comprends. Paul parlait de. Thomas parlait de la marque des clous. Des clous. La marque des clous. Oui. Ok. Bon, maintenant donc, je ne sais pas si ça va t'arranger. Oui. Bon, maintenant donc, je mets mes deux mains comme ça. Comme ça là. Oui. Ou bien les mains sont comme ça. Oui, si on les met comme ça là, bien, voilà. Oui, maintenant, je prends. Mets un peu tes mains comme ça là. Voilà. Si on met maintenant, un clou. Je mets un clou ici là. Oui. Ça pèse, ça sort pas ici là. Voilà. Maintenant, on enlève le clou. Oui. Tu enlèves maintenant, tu mets ta main comme ça. Oui. Il y aura combien de marques de clous dans? Il y a toujours deux marques. Mais ça fait la. Attends, répète la phrase que tu as dit. Il y aura combien? Si on me met comme la main est comme ça là. Oui. On met un clou, ça traverse ici et ici. Ici là. Oui. Maintenant, quand je suis. J'enlève. Ça fait deux trous là. Après, mes mains, comme j'ai quand on parle de mains, j'ai deux mains. Absolument. Voilà. Comme j'ai mes deux mains. Ça veut dire qu'il y aura aussi deux Deux trous. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et ça devient le pluriel, non? Non, c'est pas le pluriel, c'est pas le trou qui est au pluriel. À l'expliquer, tu ne m'as pas saisi. Ce n'est pas le trou, parce que même comme ça, même quand vous avez cloué comme ça, n'est-ce pas? Si Jésus enlève sa main, il va voir, tu vois, quand il est crucifié, il y aura un trou, il y aura un trou, donc le problème n'est pas résolu. Le problème, c'est que c'est clou qui est au pluriel, pas trou qui est au pluriel. Non, et chaque main avait plusieurs clous. Non, ce n'est pas plusieurs. Nous savons qu'il a deux mains. Donc, ça veut dire qu'il y a une main de ce côté, qui a pris un clou, l'autre qui a pris un clou. C'est les deux clous là-bas, le deux sur le pluriel. Ce n'est pas possible qu'un clou, et nous sommes d'accord que les disciples sont les témoins oculaires. Donc Thomas ne peut pas être trompé qu'on a mis un clou sur la main de Jésus, qu'il a parlé du pluriel. Donc la Bible parle, regarde bien, c'est dit que... Voilà, non, Junior, voilà, ok, tu viens encore de m'éclaircir. Oui. Tu dis ceci, quand tu parles, l'autre parle de la marque des clous. Oui, L'autre parle de la marque des clous. C'est la marque des clous. Des clous, oui, toi tu m'en mets des clous au... au pluriel. Oui. Bon, n'oublions pas que même au pied aussi, il y avait aussi. Non, il a précisé que c'est dans ses mains. Là, c'était juste en passant. Oui, ok. Oui, donc, maintenant, je pose bien là, je repose ma question. Oui, oui. Que ce soit un clou qui a transpercé les deux mains. Oui. Que ce soit un clou dans chaque main. Oui. Combien de marques de clous j'aurais sur mes mains? Je recommence encore. Non, réponds d'abord. Je pose la question. Ben, tu vas revenir. Combien de marques de clous? Comme tu as déposé ton œil. Que ce soit comme ça là. Un clou là-bas. Oui. Un clou là-bas. Oui. Que ce soit comme ça là. Oui. Au final, il y aura combien de marques de clous dans les mains? Je réponds la question, n'est-ce pas? Il y aura deux marques dans les mains. Alors, où donc le problème? On se pose donc. Maintenant, tu m'as posé la question. Le problème maintenant se pose, c'est que si c'est un clou qui est utilisé, alors, le Thomas ne peut pas avoir dit que ce sont les clous qui ont causé ces marques. C'est la première chose. Et voici la conséquence. Là où ça donne la conséquence. Si c'est un clou qui a percé, tu as raison. C'est-à-dire que ça soit ici, que ça soit ici, on peut mettre comme ça. Et dans ce cas, un seul clou causerait ce trou-là. Maintenant, voici la seule explication dans l'autre volet. Si c'est deux clous qui sont entrés sur ses mains, la seule explication, c'est qu'il faut qu'une main soit de l'autre côté, une autre main soit de l'autre côté pour que deux clous puissent percer. Et dans ce cas, on revient donc au niveau de Jésus qui a été crucifié et non pendu au poteau de cette façon-ci. Avant de lire, il dit qu'il veut qu'on regarde la Bible. Justement, pas encore entendu. Michel, l'explication qu'on a donnée, que j'ai donnée, l'explication, Pierre, l'autre ne veut pas voir qui? Thomas ne demande pas à voir les clous. Ce n'est pas les clous que Thomas veut voir. Qu'est-ce que Thomas veut voir, Junior? Il a dit la marque. C'est les marques que. Non, il n'a pas dit les marques. Les marques, pas autre chose. Non, mais juste les réponses des drapeaux. Ok, non, je réponds bien la question. Oui. On vient dire à l'autre que. À Thomas, il est ressuscité. On l'a vu avec les yeux. Maintenant, Thomas dit que quoi? Ok, pour que lui puisse croire. Oui. Qu'est-ce qu'il a envie de voir en Jésus? Qu'est-ce qu'il veut voir sur Jésus, Michel? Il n'a pas dit les marques, fais attention. Même s'il dit qu'il veut voir la marque, vous allez déplacer le débat. Je ne déplace pas, Le problème, ce n'est pas. Je dis quand tu utilises le mot clou, c'est vrai qu'il a dit les clous, peu importe que ce soit. Non, explique-moi dans ce cas. Toi, tu es prédicateur, ne courons pas vite. Nous savons que Jésus est mort, il est ressuscité, il a eu les blessures dans ses mains. Et je t'ai dit que. Et c'est les blessures que. Pas les clous, l'autre ne voulait pas voir les clous. On est d'accord qu'il ne voulait pas voir ce les clous. Ce n'est pas le problème là-bas. Mais le problème, alors, c'est que. Le problème, chaque mot dans la Bible a sa signification. Toi et moi, on ne discute pas pour rien. On ne discute pas. Ce n'est pas une discussion d'intelligence. C'est toi qui dis. C'est pas une discussion d'intelligence. Junior, tout est dit vrai, c'est toi qui discutes de façon intelligente. De chaque fois qu'on discute ici là, ce que Thomas veut voir, toi-même tu es d'accord avec ici, moi. Ici, la question qui était posée depuis aujourd'hui, ce n'est pas au sujet de qu'est-ce que Thomas a vu. Thomas veut voir les clous. Non, c'est vous que Thomas veut voir. Je dis ceci. La discussion que jusqu'à est sortie de la chambre, je n'ai pas dit que qu'est-ce que Thomas voulait voir. J'ai dit ceci. Ceci nous conduit seulement à poser la question si oui ou non. Tu es venu avec un problème précis. Voilà, par rapport à la croix. Non, je te dis le problème que tu es venu avec moi, je vais te le dire. Le problème que tu es venu avec lequel, c'est que tu es en train de contredire cet enseignement. Je n'ai pas su me contredire d'abord l'enseignement. C'est ce que tu es venu avec ça à l'esprit. Non, attends, Alex. Pas quelque chose ne va pas. Alex, n'est-ce pas? Et moi, je t'ai dit ceci. Ce que Thomas voulait voir. Thomas ne voulait pas voir. S'il y avait les clous, ce que Thomas voulait voir, c'était la marque. Tu as vu le réflexe de cet homme-ci? J'ai dit, montre-moi ta main. Qu'est-ce qu'elle a montré? Michel, qu'est-ce qu'elle a montré? Montre-moi ta main, voir. Voilà. Tu as vu? Et tout ça, c'est quoi? Non, non, non, comment attends, appelle... attends, je réponds la question. Moi, je pose la première question. Okay. Et comment on appelle tout ça? Le bras. Non. Voilà. Ah, maintenant, il a comment on appelle tout ça? C'est Dieu la main. Dieu merci, il n'était pas là. Voici le bras et voici la main. Voici la partie qu'on appelle main. Comment on appelle tout ça? C'est le bras. Comment on appelle tout ça? C'est le bras. C'est le bras. On appelle ça le bras. Oui, c'est le bras. C'est le bras. On appelle ça la main. Alex, c'est pas la main. Attends. C'est quoi ici? Il va dire la même chose, son frère. Tu peux dire la même chose. Non, comment il va dire la même chose? Il peut ne pas dire la même chose. C'est moi être malhonnête tout simplement. On a fait la science. Attends, attends, attends. Permets-moi. Il ne peut pas. Oui, oui. Attends, ça c'est un peu. Non, ça c'est quoi? Dans la norme, on appelle ça le bras. Mais comme je t'ai dit. Non, non, réponds justement à la question. Non, réponds, il n'était pas là. Réponds à la question. C'est le bras dans les normes, n'est-ce pas? Oui. Mais ce que je disais, c'est quoi? On me donne un texte en anglais, je vais le traduire en raison de ce que je comprends, ou bien je vais le rendre plus facile pour ceux qui n'ont pas une bibliothèque assez fréquentée. Sure. Parce que c'est ce qu'on a fait de notre traduction. Ah, donc votre, attends, s'il te plaît. Donc votre traduction a traduit en s'il te plaît, veux comprendre. Donc ça, d'après ça, toi, ça c'est la meilleure traduction de la Bible, il n'y a pas d'autre. Donc traduction monde nouveau est la meilleure traduction. C'est encore l'autre. Bon, ce que j'ai dit. Attends, il se le met dans le bain parce qu'il ne sait pas de quoi il en a des questions, n'est-ce pas? Regarde, papa Joseph, je suis sorti de la chambre. En fait, on n'a même pas encore touché le thème. Voilà, Alex a fermé sa lit parce qu'il est affaché, il est parti. Non, parce que tu amènes des débats polémiques. C'est pas un débat polémique. Quel qu'en soit le débat, il dit que. Thomas me voit les clous. Thomas me voit les marques des clous. C'est tout ce que Thomas veut voir. Thomas ne veut pas voir. Jusque là, si on avait mis du clou. Regarde, n'est-ce pas? Voici leur photo de Jésus. Les témoins de Jéhovah enseignent. Voici leur Bible et ils sont d'accord. Oh là là. Oui, allô? Voilà. C'est tout l'argent. Maintenant, voici leur image. Oui. Leur Jésus est cloué sur un seul poteau comme ça, là. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voici dans leur Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Thomas. Que, quand Jésus est ressuscité, Jésus n'était pas là. Thomas n'était pas là. Oui. Les autres lui ont dit que tant que, que notre maître est ressuscité, il a dit que jamais il ne peut pas croire. Alors que tout le monde disait ça. Le verset 24 et 25 dit ceci. Mais Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, Thomas qui te répond, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Donc, Thomas en train de nous donner un renseignement sur la façon, Thomas, sa parole nous donne un renseignement sur la façon dont Jésus-Christ est mort. Il dit que le clou, ce sont les clous qu'on a utilisés, c'est ce que le verset dit, qu'on a utilisé des clous. Donc, le clou est au pluriel ici. Donc, on a utilisé des clous pour tuer, pour maîtriser Jésus crucifié. Je ne vais pas utiliser le mot crucifié parce que quand on dit crucifié, chaque fois, ça va aller à la croix directement. Ouais. Donc, ça dit que la chose qui s'est passée avec Jésus, c'est qu'on a utilisé les clous. Parce qu'il a dit la marque des clous. Oui. Il a dit cette marque se trouve dans ses mains. C'est pour ça que quand tu es entré, tu as demandé que où est tes mains, tu as monté directement l'intérieur. Oui. Et toi et moi, on n'a jamais parlé par rapport à ces choses-ci. Normal. Maintenant, je t'avais posé la question que comment se fait-il qu'eux disent que Jésus est mort sur la croix, alors que ces versets veulent nous faire comprendre que la seule façon qu'il y ait le clou au pluriel, et que ce soit dans ses mains, c'est que ce soit ici. Et parce que même si on mettait comme ça, là, même s'il dessinait avec ça plutôt à l'intérieur des mains, ça posait toujours problème. Parce qu'il y a un seul clou, alors que Thomas a dit que c'était des clous. Pour que ce soit des clous, il faut qu'il y ait un clou à gauche, un clou à droite. Donc la solution finale, c'est que vraiment, Jésus est mort à la croix, et non sur un poteau. Et c'est dans la Bible. Maintenant, je pose donc la question. Mm-hmm. Pour revenir sur où là où tu es en train de lire. Verset 25. Verset voilà. 24, 25. Okay. Dans ce verset, qu'est-ce que Thomas veut voir? La blessure. Mm-hmm. Il veut voir la blessure. Voilà. Mm-hmm. S'il n'enfonce pas le doigt. Il dit bien que s'il n'enfonce pas le doigt dedans, il ne doit pas croire. Donc, il veut voir Jésus avec les trous. Avec les trous. Oui. Les trous dans ses mains. Dans ses mains. Mm-hmm. Voilà. C'est ce qu'il veut pas voir. Dans ses bras. Mm-hmm. Pas sur son bras. Voilà. Dans ses mains. Oui, il veut voir. Il veut voir les trous. Oui. Dans ses mains. Dans ses mains. Oui. Mais regarde, si votre Jésus enlève les mains, il n'y a pas de trous dans ses mains. Il veut voir les trous dans ses mains. C'est ce que l'autre veut voir. Oui. Et non, le nombre de clous. Non, le nombre de clous nous indique seulement comment il a été crucifié. Non, attends, tu es d'accord que. Je n'ai jamais dit ça. Junior, s'il te plaît. Tu es d'accord que. Même si c'est comme ça. Oui. Hein? Oui. C'est toujours un clou, non? C'est un clou seulement. Voilà. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit que tu étais deux, ça tout à l'heure, non? Voilà. Que ça soit ici, que ça soit ici, là. Alex, si c'était comme ça d'abord, c'est que la chose est d'abord juste parce que ça se trouve à l'intérieur de la main. Avant que le problème du clou va encore se résoudre, se poser. Mais le problème, c'est qu'il y a deux problèmes avec vous là maintenant. Non, il n'y a pas de problème. C'est que c'est hors de la main. Il y a d'abord. Je lis dans. Connaître. Ça, c'est. Le dernier paragraphe. Ok. C'est ici, c'est page 78 et comment raisonner à partir de ce petit. Dernier paragraphe ici. Ici. Jean Passant a écrit ce qui suit. Dans le grec original, pas un seul des nombreux livres du Nouveau Testament ne contient la moindre phrase prouvant même indirectement que le status utilisé pour Jésus était autre chose. C'est la page 78. Était autre chose qu'un tauros ordinaire. Rien ne prouve, à plus forte raison, qu'il se composait non pas d'une, mais de deux pièces de bois clouées ensemble en forme de croix. Ce n'est pas chose insignifiante que nos instructeurs nous trompent lorsque, traduisant les textes grecs de l'Église dans notre langue maternelle, ils rendent le mot stauros par croix et qu'ils récidivent en faisant correspondre croix à stauros dans nos lexiques. Sans prendre le soin d'expliquer ce n'était en aucun cas la signification de ce mot autant apostolique que ce terme n'a revêtu de ses sens principaux si tant est-il qu'il l'ait eu que longtemps après et encore parce que sans preuve valable on a supposé pour une raison quelconque le stauros sur lequel Jésus avait été exécuté avait cette forme particulière. Ça c'est des. Je vais noter. Tu peux prendre une petite feuille. Tu me notes la version. Il dit ici. Tu me notes la référence, d'accord? Pour que je vais te retrouver ce livre-ci. Ben maintenant, ça c'est une citation de G. Passon. Qui est G. Passon? Tu peux. Tu sais qui est G. Passon? Bon, c'est comment il était. La raison pour laquelle tu t'es fait lire ceci. Oui. Ce n'est pas parce que je veux savoir qui est G. Passon. C'est ceci qui m'intéresse, le fait qu'on dise que le stauros n'est pas ce que l'on a traduit. Deux parties. Une partie qui était un poteau. Et d'ailleurs, pour l'affirmer, j'étais déjà fait lire le texte de Actes chapitre 5, verset 30. Hormis ce texte-là, ouvre encore la Bible ici, celle-ci. Il y a le texte de Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. Là-bas, on ne parle pas de croix. Pourquoi on parle de. On peut parler de croix, ça c'est en hébreu. On parle de poteau ou d'arbre. Hormis cela, c'est de Galates aussi. Chapitre croix, verset 13. Fait des croix, texte biblique qui ne parle pas de croix. Tu as dit Deutéronome combien? Deutéronome 21, 22 à 23. Bon, j'ai dit si c'est mon garçon. Garçon. Tu as pris combien de textes qui parlent de poteaux ou bien d'arbres là? Combien là la Bible? Maintenant, si tu prends maintenant 40 qui parlent de crucifixion, qu'est-ce que tu en dis? Bon, hormis ces textes là. Oui. Pourquoi est-ce que on dit comme ça? On dit ceci. Et quand même on montre la représentation là, on dit que dans les textes bibliques, dans les temps antiques, le poteau avait une inscription en haut qui montrait la raison pour laquelle on pend ce bandit. Bon, donc on écrivait généralement le motif de sa mort. Pour que quand un étranger arrive, il ne dise pas que bon, ça c'est une ville cruelle ou bien on tue pour n'importe quoi. Mais on précisait le motif. Et si c'était dans une croix, que c'était juste que deux poteaux, est-ce qu'on pourrait identifier? Non, tu vois, l'autre question n'est pas récente. Regarde bien. Si je mets une croix comme ça, là, on cloue ici, empêche qu'on cloue la plaque là-bas en haut. Donc ça n'a l'autre rapport. On peut passer ça rapidement. Comment? Ça n'a pas avec mon partie. Comment partie comment? On dit que c'était composé de deux parties. Qui dit ça? La croix est composée de deux parties. Il y a un poteau, il y a un autre poteau. Ça fait combien de parties? Ça fait deux. Deux parties, n'est-ce pas? C'est donc pour ça aussi que ceci, c'était un arbre et qu'il y avait juste une planche qui précisait le motif. Non, la planche ne fait pas ça la croix. Je dis bien aussi. Il dit ceci, n'est-ce pas? J'analyse pas. Tu m'as dit de lire la parole des personnes. Je n'ai pas encore analysé. Tu en as expliqué davantage. Ça ne dit ici. Dans ce cas, tu en as dit que postos, ce serait la composante entre la plaque-ci et cette plaque-ci. Non, ça ne c'est pas une croix ça. Une croix c'est une forme X. D'abord, quand tu parlais de francs-maçons tout à l'heure, si tu veux, je peux te sortir les catalogues des francs-maçons. La franc-maçonnerie dérive des cultes égyptiens. Oui, oui, la rose croix dérive des cultes égyptiens qui sont antiques avant même la venue chrétienne. Que pour te montrer qu'on utilisait déjà la croix même déjà là-bas. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de récent. C'est une des choses. La deuxième chose c'est ceci. Quand tu me fais lire Parson, je te dis, il pose la question. La question simple, c'est Parson, c'est qui? Tu veux dire que ce qui t'intéresse pas, c'est Parson. C'est l'information que Parson donne. Or, tu sais très bien que la personne et l'information sont liées. Parce que si la personne n'est pas quelqu'un qui est crédible, qu'est-ce qui te fait croire que la chose qu'il donne est crédible? Pourtant, nous avons quelque chose qui devrait nous rendre crédible, c'est la Bible. Bon, Junior, moi, oui. Je voulais un peu revenir sur le texte de Deutéronome. Oui. Parce que quand on revient même sur la croix, la croix existait depuis même l'Antique Égypte. C'est ce que je t'en ai dit. La croix existait déjà. La croix en tant comme on va vraiment croiser comme ça. Voilà. Existait déjà. C'est ce que il avant même que je même avant que je meurs. Il y en avait ça. Oui. Ok. Bon, maintenant, on va lire Deutéronome. Oui. Voilà. Lis, mon cher. Deutéronome, chapitre 21. Le verset qui vient de citer là, Deutéronome 21. Le verset 22 à 23. Oui. Voici la loi que Dieu donne à Israël. Et c'est cette loi-là que les Juifs vont appliquer. Parce que les Israélites... Mais c'est mélangé pas avec les autres peuples. Les autres peuples, même quand il fallait punir, châtier les méchants. Voici ce que la Bible dit. Si un homme a en lui un péché qui mérite la sentence de mort, s'il a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un poteau, son cadavre ne passera pas la nuit sur le poteau. Mais il faudra que tu l'enterres ce jour. Car, voici la partie où je voulais encore plus ressortir. Car le pendu est chose maudite. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3. Effectivement, lorsqu'on revient, comme on dit en Galates. Oui. Hein? Et c'est la même chose. Il a parlé de ce texte. Car il a écrit maudit, soit quiconque est pendu au bois. Oui. Oh, Jésus. Non, je voulais tout simplement par là dire. Si j'ai pris ce texte biblique. Derrière les Juifs, en pendant Jésus sur le poteau, les Juifs appliquaient simplement une disposition prise par la loi. Absolument. Je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Oui. Ils ont appliqué une disposition que Dieu avait donnée. C'est écrit. Comme on le sait très bien, Jésus est devenu malédiction. Absolument. Pour que nous soyons justice de Dieu. Donc Jésus est donc mort sur un poteau, parce que les Juifs pendaient les gens sur des maudits sur des poteaux et non sur une croix c'est bien parce que toi tu as reconnu que la croix ce n'est pas les histoires de hier, la croix a toujours existé. Ça a toujours existé. Avant, regarde, je vais te dire quelque chose. La croix n'est pas un symbole chrétien. On ne doit pas l'utiliser, c'est pas un symbole chrétien. Mais quand il dit un symbole chrétien, ça ne veut pas dire que un chrétien doit utiliser une croix comme les gens utilisent pour dire que je me protège, je mets chez moi. Ce n'est pas ça. Parce que d'abord, c'est un symbole même de malédiction. C'est un. La deuxième chose, c'est ceci. Avant que Jésus-Christ ne vienne pour mourir, on faisait tuer les gens avec ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas christianiser la chose. Le fait, simple fait que Jésus-Christ soit mort là-dessus. Moi je veux revenir dans le contexte juif. J'arrive là parce que tu as pris Deutéronome là-bas. Il dit, quand tu as cité, il dit que c'est la même chose que l'apôtre Paul a dit. Quand il a fini de donner dans Galates chapitre 3, il a dit qu'il voulait expliquer clairement que Christ est mort. Et effectivement, c'est la malédiction est allée sur lui. Dans ce Galates chapitre 3, 13, il a cité donc ces versets, ce que je vous ai lu. C'est ça, non? Ok, maintenant, là où il veut arriver, c'est ici. Si tu regardes encore bien ce texte-là, on a dit pendu. Que veut dire pendre? On peut définir la pendaison. On peut définir la pendaison par te mettre la corde au cou. Oui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Comment on peut se définir On peut aussi définir la pendaison, que ce soit sous la croix ou sur un poteau comme ça. Tout ça, c'est la pendaison. Voilà. Donc, on est d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Donc, maintenant, Alex, depuis que toi et moi on cause, c'est la première fois que tu as été honnête aussi possible. Moi je suis honnête ingénieur. Si tu parles, c'est moi que ça tombe. Il dit c'est la première fois depuis que tout le monde nous posons. Tu as remarqué que j'ai dit pendaison. Tu as donné les trois définitions qu'on puisse avoir. Tu as dit on peut pendre exactement comme ça là. On peut mettre comme ça. On peut se pendre. Parce qu'en réalité, pendaison, ça veut dire qu'il faut que tu sois suspendu entre le ciel et la terre. C'est ça. Je croyais que tu voulais me dire que sinon c'est le coup. Alors maintenant, regarde maintenant quelque chose. Est-ce que Judas a été pendu de la façon de Jésus? Judas, parce que Judas, quand il a constater qu'il a donné le. Si on va dans la Bible, on va lire. Oui, c'est que Jésus a été, il s'est pendu. Il s'est pendu. Pas la façon de Jésus. Pas la façon de Jésus. C'était où? C'est un arbre. C'est un arbre. Judas est maudit, pas vrai? Judas est maudit. J'ai dit que si il lit la Bible, dans ce Deutéronome chapitre 21, là, 22, là, il est écrit clairement que maudit soit quiconque est pendu au bois. Au bois. Maudit soit quiconque. Pas que c'est le bois qui est maudit. C'est la personne, qui est maudite. On est d'accord. Oui, oui. Oh, maintenant, la Bible déclare que dans ce Matthieu chapitre 27, que Judas est venu, quand il a eu des remords. Des remords. Il a dit que prenez ceci, il vient, ça a dit que c'est ton problème, tu as livré. Il a jeté le truc là-bas, il est allé se pendre. L'apôtre Pierre réitère encore cela lorsqu'il voulait choisir Matthias, qu'on devait choisir la personne qui devait remplacer parmi les 12. Il a dit que, s'il te plaît, lisons cela dans Actes chapitre 2 pour qu'on voie les thèmes qu'il utilise. D'accord. Actes chapitre 1. C'est le premier chapitre même. Je suis encore dans votre version ici. Actes chapitre 1. Ça, c'est avant l'élection. Juste le discours qu'il a tenu avant l'élection de Matthias. À partir du verset 15. Je vais lire dans la version tradition du monde nouveau. Or, ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et dit, la foule des personnes étant en tout environ 120. Verset 16, hommes frères, il fallait que s'accomplisse cette parole de l'Écriture que l'Esprit Saint avait dite d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus, qu'il avait été compté parmi nous et qu'il avait obtenu part à ce ministère. Ce même homme donc a acheté un champ avec le salaire de l'injustice. En tombant la tête la première, il s'est ouvert bruyamment par le milieu et tous ses entrailles se sont répandues. Et la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, si bien que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ de sang. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de réitérer par rapport à la mort de Judas. Mais lorsqu'il lit Matthieu chapitre 27, on dit. Regardons Matthieu chapitre 27. On dit ici que la mort, que Judas est mort comment? Le temps qu'on cherchait, il dit que ce même homme a qui le salut de sang et tombant la tête la première s'est ouvert bruyamment. Donc ça c'est votre version qui dit ainsi. On y va. Matthieu 27. À partir du verset 9. Verset 9, il est dit, alors s'accomplit ce qui avait été prononcé par l'intermédiaire de Jérémie, le prophète, quand il a dit, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de l'homme qui a été. Ils ont pris les. Attends, disons à partir du verset 7. Voilà, il dit, après avoir tenu conseil, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors, s'accomplit ça, c'est quand Jésus l'a fait. Revenons un peu plus au verset 3. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris des remords et rendit les 30 pièces d'argent aux prêtres, en chef et aux anciens, en disant, j'ai péché lorsque j'ai livré le sang juste. Il dit, que nous importe, à toi de voir. Il jeta donc dans les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. C'est ce qui est écrit de Judas. Or, il allait se pendre sur un bois, certainement. Maintenant, ici, dans Actes des Apôtres, on dit qu'il est plutôt tombé. La tête la première. Donc, il est arrivé, la tête la première. Et s'est rompu. Il était en train que ses entrailles sont sorties. Et c'est appelé en hébreu Akeldama. Comment Judas est mort? Je dis ceci parce que c'est lié avec ce qu'on a déjà parlé par rapport à la croix ou le poteau. Parce qu'on dit, on parle de pendaison. Dans Deutéronome, on parlait de pendaison. On dit que Judas est allé se pendre. L'argent a servi d'acheter le champ. Et l'apôtre Pierre, en réitérant la même mort, dit que il est tombé, la tête le premier, et ses entrailles sont rompues. Oh, on en a parlé de quoi, Alex? Pour lui, il est clair qu'il n'y a pas eu de clou. On est d'accord? Mais on a parlé de pendaison. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, en fait, si on est posé la question pour amener au niveau de Deutéronome et au niveau de Galates, pour dire que pendaison, ça ne veut pas dire qu'on va pendre quelqu'un comme ça. Oui, c'est ce qu'on a ressorti, les trois définitions. Voilà. Pour le moment qu'on a du mot pendaison. Voilà, donc ça veut dire que Judas lui-même était un maudit. Parce qu'il a été pendu au bois. Il était pendu au bois. Pourtant, son bois n'était pas un pieu. Comme on a, il y avait une inscription aussi. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Ça veut dire que quoi? Il faut que quelqu'un, si quelqu'un est suspendu et que ça pousse à mourir la personne, c'est parce que pendre, c'est dans le sens de suspendre. Ce n'est pas dans le sens où on met, parce que dans ce Deutéronome qu'on a lu là-bas, il n'est nulle part question de crucifier, de mettre les clous dans cette personne qui sera suspendue. On parle seulement de pendaison. Voilà. En fait, pourquoi est-ce que je ne prends ça? Parce que celui-ci a pris là, parce qu'il a dit qu'il prend Galates, il prend Actes des Apôtres pour montrer qu'il s'agissait d'un pieu. C'est ça que je voulais dire, que le fait qu'on ait cité cela ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas la croix, mais on a dû parler de l'information par rapport à Deutéronome. Mais le problème aussi qui se pose, généralement, lorsqu'il fallait punir un méchant, s'il faut le dire ainsi, voilà. Ce n'était pas le genre de mort rapide. Il faut que ça soit lent. Il faut que ça soit souffre. Il faut que la personne souffre. Bon. Or, la mort par pendaison avec autre, c'est un temps de mouvement, tu n'as pas pour beaucoup de minutes. Beaucoup de minutes. Pour que tu cesses de vivre. Or, la mort par pendaison sur le poteau avec les clous et autres. Tout un poids de dessin, ainsi de suite. Toi-même, tu confirmes que oui, le mal que j'ai fait. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Ok. Bon, dans le cas de Judas, ça a été expéditif. Ça a été expéditif. Et comme tu as dit, parce que dans Matthieu, on dit qu'il s'est pendu. Bon. Maintenant, donc, Matthieu ne décrit pas la scène. Pierre, lui, il décrit plus la scène. Peut-être quand il s'est pendu, quand la corde s'est coupée, il a chuté. Chute libre en tombant. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est pendu en tombant. C'est la tête qui avait tout fait. De toute façon, en sortant de la charité, il dit que c'est seulement quelque chose, un constat que je voulais montrer. S'il te plaît, il va prendre les référents des 10 personnes là tout à l'heure. Il va relever. Mais. Aussi, tu vas encore me faire lire, il va encore prendre la même chose. Évite de poser la question que qui a dit. Ce qui est sûr, c'est parce que la Bible nous dit, quand si la Bible dit que je c'est vrai. Si tu veux, c'est mieux de fouiller ça sur internet. Je vais fouiller les livres, je vais prendre les livres. Il y a les références bibliques, les dictionnaires bibliques dedans. Oui. C'est mieux de les fouiller. Tu sais quoi? Voilà ce qu'il va faire. Pour la Bible, je sais exactement ce que la Bible en dit là-dessus et votre version et d'autres versions. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans l'histoire parce que les historiens rendent les choses claires. Parce que les historiens ne sont neutres. On est d'accord, non? Un historien rend une histoire. Si c'est quelqu'un qui est. Si je prends un historien catholique, il va vouloir donner des versions des choses. Il va donner avec la partie catholique, il va donner avec son sentiment catholique. Quand on prend un historien, par exemple, quand tu prends Will Durand, quand Will Durand restitue les choses, les cultes païens qui sont retrouvés dans l'église catholique, il le restitue sans compromission. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit par exemple que Astarte est devenue ce qu'on appelle Marie de l'Église catholique. Quand il dit ça, il ne dit pas en prenant quand il en a donné l'histoire qui s'est passée. Mais ce qu'il veut dire, c'est si je vais prendre. Enfin, les dictionnaires bibliques ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que tu es en train de dire. Oui, tu dis que c'est les historiens. Oui. Certaines parties de leur récit ne sont pas des parties vraies. Je suis d'accord, parce que c'est un païen, ce sont des païens. Parce que dans. Ce sont des païens, mais je te dis ceci. Les documentaires des historiens aussi. Oui. On a relevé que Jésus était l'homme, donc l'homme le plus laid de son époque. Ah ben, mais tout à l'heure, c'est ce type-ci qui m'a dit tout à l'heure qu'il a vu sur National Geographic. Il a vu des choses que les gens, les recherches que les gens ont fait. Mais tu as cru ça? Moi, j'aime voir les documentaires. Je n'ai pas cru en ce qu'ils ont dit. Mais tu as dit tout à l'heure que tu as là où tu as vu que. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Oui. Dans les documentaires, là, tu as vu que. Les francs-maçons, oui. On montrait que, étant donné que ce qu'on utilisait avant comme clou pour pendre un méchant. Pour pendre. Un clou pour pendre. Oui, avant ça, oui. C'est très bien dit. Alex, c'est bien dit pour réconforter la doctrine de la. Pas pour réconforter la doctrine. Un clou pour pendre. La doctrine souffre. C'est quand le mot crucifié là, vous avez peur de ça, c'est ça non? Non, on n'a pas peur du mot crucifié. Mais pourquoi? Ok, dis un clou pour crucifier alors. Bon, on n'a pas peur du mot crucifié. Mais pourquoi tu dis pas qu'un clou pour le crucifier? Non, pas crucifié, alors dis qu'un clou pour le crucifier. Parce qu'on l'a porté, on l'a crucifié. On a porté un clou pour le pendre. Oui. Le clou utilisé. Oui. Était de très grand rayon. Ce qui fait que si on essayait de mettre ça sur la paume de main d'un criminel, ça broyer ses os. Ça doit broyer. Alors que justement, la paume de main, justement, a un endroit où il y a. Par exemple, permets-moi d'expliquer quelque chose. Si tu vois sur ce National Geographic, par exemple, il y a des gens qui mettent les trucs comme ça. Là. Il y a des festivités qu'ils montrent souvent, je ne sais pas comment ils appellent, c'est tabou. Ou même des gens qui mettent des choses, ils percent de l'argent, ils s'assoient ici. J'ai vu justement sur ce National Geographic un monsieur qui, pour faire le truc de ses péchés, a fait exactement comme Jésus. Je ne sais pas si tu as vu cet documentaire où il a porté, il y a des marches, des degrés qui partent, jusqu'à ce qu'il a laissé crucifié. Et il a fait ça, il a dit c'est la deuxième fois qu'il faisait pour pouvoir pardonner ses péchés. C'est parce que tu as vu aussi ça. Tu as aussi vu ça. J'ai vu ça. Il est allé jusqu'à ce qu'on a mis le clou là-bas. Et c'est la deuxième fois qu'il fait. On a cloué dans ses mains. Il veut tout simplement dire sur l'affaire, c'est que dans les mains, justement, si tu regardes même, je ne sais pas si tu as les trucs de squelette, si tu regardes très bien, il y a plus d'espace dans les paumes de main, plus que ici. Donc la probabilité pour que les grosses clous qui ont des rayons plus broyés, c'est même plutôt sur au niveau d'ici, pas au niveau de la main. Là, alors, je ne suis pas d'accord. Non, nous ne sommes pas d'accord, c'est seulement un avis. En matière de science aussi, oui. avec un squelette, oui. Tu peux bien remarquer que l'os, mm-hmm. c'est composé de deux os. C'est pas tous les hommes qui sont. Il y a les gens qui ont le. Ils ont le. Ils ont le. Tu vois. Il n'a pas. Tu parles de quoi? Mais les mains sont identiques. Par exemple, Alex, regarde l'os qui passe dans la main, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, c'est tout. C'est un seul os. C'est les rares personnes qui ont l'os espacé ici. Il y a des gens qui ont un seul os. Si tu veux te prendre le grand dictionnaire, maintenant, il te montre. Donc, c'est plutôt le contraire. L'os qui est ici comme ça, c'est un os comme exemple, l'os de tibia. Voilà, comme l'os de tibia. Même c'est quelque chose que bon Dieu avait la personne, avait le corps de. C'est quelque chose que bon Jésus avait un corps qui n'avait pas de tas ni de défauts. Bon, je suppose que. Voilà, ils ont entendu qu'on n'a pas de défauts. Oui, donc, ça veut dire que tu vas dire que combien un seul os là-bas, c'est anormal. Ça a deux os normalement. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a pas mis son os? Il y a l'espace. Non, mais le problème, c'est que, comme tu sais dans la Bible, que depuis qu'il y a eu une imperfection est entrée, les humains ne savaient des tas. Non, mais les tas ne sont différents pas des os, au niveau des os. Oui, mais tout à l'heure, je vais te donner, d'accord. Mais je résume avant que je te laisse la parole pour qu'on passe au thème que tu auras choisi. Je résume en disant ceci. Il y a un autre volet que je ne veux pas qu'on entre ici parce qu'il vient par les deux photos. J'ai dit que le même Jésus que vous présentez dans vos écrits. Il avait la barbe. Ah, il y a un temps, il a la barbe. un temps encore, il n'a pas la barbe. Et c'est toujours au niveau de la pendaison. Et même pour l'autre là, oui. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Tu es en train de dire que ce n'est pas vrai, oui. Ou bien c'est une histoire de dire vrai. Ce n'est pas vrai qu'on aime. Parce qu'il y a une fois, dans l'une de nos revues, on a expliqué pourquoi est-ce que chaque fois qu'on présente Jésus, c'est avec la barbe. En fait, à leur époque, les enseignants avaient la barbe. Ils aimaient garder la barbe pour montrer qu'ils sont de l'autorité. Ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible et c'est l'histoire. Même dans la Bible, quand on te rasait la barbe, on ne comptait que des indignes. Mais je dis que c'est mon cher Michel. Donc la barbe était quelque chose de normalement gardé par l'homme. Mon cher Michel, je ne travaille pas à la World Trade Society. Tu viens de me dire là que ça ne peut pas être vrai. Mais la prochaine fois, c'est ce que Alex Malax, il vient avec une personne, la prochaine fois il vient avec une autre personne. La prochaine fois quand tu vas venir, je vais sortir une revue qui est de vous. Je sors une autre revue qui est de l'autre revue. Pour moi, il n'y a pas de débat avec la barbe ou sans barbe. Il vient de donner la définition pourquoi il y a la barbe. De toute façon, voici le pourquoi donc que j'ai pris ce texte de Matthieu. Garde aussi quand même présent à l'esprit. Oui. Le texte de. Non, mais ça, je connais. Quand tu as dit que c'est ça que. Non, c'est pour ça que je veux donc, pas seulement que tu connais une chose de connaître et maintenant l'autre de bien comprendre le sens. Oui. Voilà. Oui. S'il te plaît, Junior, là encore, tu remédites, tu relis ce texte. De Deutéronome. De Deutéronome. Tout en. Déjà, comme moi, j'ai été content quand tu as dit que déjà la croix avant. La croix était utilisée dans l'eau. Dans le culte païen. Voilà. Maintenant, j'aimerais donc que tu penses d'abord au côté que c'était utilisé dans le culte païen. Tu reviens aussi sur les ordonnances que Dieu avait données à la nation d'Israël en rapport avec les traditions des nations environnantes. Tu essaies de. Bon, bref. Tu vas parvenir à la conclusion que tu vas parvenir. Oui, Alex, dis, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord que le Nouveau Testament. C'est clair, et l'Ancien Testament, c'est l'ombre, non? Donc, s'il y a quelque chose qui est obscur dans l'Ancien Testament, c'est plutôt le Nouveau Testament qui va nous expliquer. Je ne peux pas avoir la réalité devant moi, il rentre encore dans l'ombre pour arriver à fouiller quelque chose dans l'obscurité. Non, c'est ce qu'on a dit ici dans Deutéronome. Je voulais te dire ceci, Junior. Les Juifs, je dis bien ceci. Oui. Tout ce que les Juifs faisaient avant Jésus-Christ, ils le faisaient en conformité à la loi. Ils le faisaient en conformité avec la loi. Et les choses qui se sont appliquées sur la personne de Jésus. Oui. C'est en conformité avec cette loi là. Les choses, c'était des choses qui étaient en conformité avec la loi. La loi. Je suis d'accord. Des instruments qu'on devait aussi utiliser pour mettre à mort Jésus. Conformité à la loi. C'était des choses que les Juifs eux-mêmes ils avaient utilisé. Absolument. Or nous savons très bien que les Juifs ne mélangeaient pas les objets utilisés dans le faux culte, il ne mélangeait pas ça avec du vrai. Bon, on savait même là-bas, je préfère. Là, prédicateur, allez, je t'arrête. Non, non, non, je préfère. Est-ce que ce sont les juifs, est-ce que ce sont les juifs qui fabriquaient la croix pour le poteau pour le faire? Arrêtons-nous là. Voilà. Tu vas aller réfléchir. Il réfléchit comment? Non, ce ne sont pas les juifs qui fabriquaient les choses pour. Ce n'est pas qui ont fabriqué du moins pour Jésus, pour le faire. Jésus est mort selon les principes de la loi juive et tout ce qui a été utilisé pour les je commence encore Alex. Alex. Non, ne revenons plus. Alex, on revient pas. Je suis en train de conclure, on ne revient plus. Je ne reviens plus. Vais-je m'indiquer, n'est-ce pas? Le jour où Jésus est dans moi, il y avait deux personnes aux côtés de lui. Nous sommes d'accord. Il y avait deux personnes à sa droite, l'une à sa gauche, l'autre à sa droite, qui a été tué le même jour aussi comme lui. Or, ces personnes-là, c'était des juifs aussi. C'était des juifs. Juifs aussi. Donc, je suis en train de dire ceci. En territoire juif, il y avait un culte païen qui se passait, donc un peuple païen qui dominait, qui était la Rome. Et c'était eux qui étaient les agents punissants et exécutants des sentences. Quand Jésus, moi je ne sais plus qu'on revient sur ça, quand on dit encore trop s'attarder. Jésus, Pilate, demande aux Juifs eux-mêmes d'aller pendre leur roi. C'est ce que Pilate, et Pilate a juste donné le passé, ils étaient en train de divergisser, ils voulaient que le mort, que c'est Pilate qui prenne la décision finale, que mettez-le à mort, et ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont allés pendre. Jésus. Ok, là, on pourrait revenir. Ok, donc, voici la conclusion que je viens de dire. Comme tu m'as dit dans Deutéronome chapitre 22, là, je viens de dire ici que Deutéronome chapitre 22 prophétisait effectivement la mort du Seigneur Jésus-Christ particulièrement par rapport à la malédiction. Parce que l'apôtre Paul a cité cela. La deuxième chose que je viens de dire ici, s'il y a donc une ambiguïté dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament doit mettre la chose au clair. Parce que toi-même, tu as dit que. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est toi qui. Tu as dit que les éléments de la mort. Selon les principes juifs, c'est des choses que les éléments qui doivent concourir à cette mort-là doivent être comme les juifs l'ont fait. Mais maintenant, si tu regardes dans cet étonnement, on n'a pas fait part des clous là-bas, des clous là, disons. Mais dans le Nouveau Testament maintenant, on vient voir clairement qu'il y avait des clous. Et donc, c'est le Nouveau Testament qui a commencé à jeter la lumière sur ce qui a été dit dès le départ. On a dit. Juste de conclure seulement. Non, oui, tu conclus, mais le mot qu'on a noté, un mot pendaison. Et on a défini les trois types de pendaison. Ok. Donc, ça veut dire que de toute façon, Christ a été suspendu entre le ciel et la terre. Ok. Mais l'élément clou a été là-bas, le clou était au pluriel. Et c'est ce qui retient dans votre Jean. Okay. C'est terminé par rapport. Oui. Moi, j'ai conclu. C'est bon. Une réflexion que tu peux prendre là. Non, aucune réflexion, j'ai encore pris, je vais les relever. Oui, sur New Catholic Encyclopédie. Oui. 1967. 67. Tome 4. Oui. Page. Non, tu vas me relever tout cela maintenant. Bon, là, il a dit que une encyclopédie catholique fait ce commentaire intéressant. La présentation de la mort médiatrice. Rédemptrice du Christ au Golgotha n'apparaît pas dans la symbolique des premiers chrétiens, donc premier siècle, influencés par l'interdiction de faire des images taillées, interdiction contenue dans l'Ancien Testament. Les premiers chrétiens se refusaient de représenter l'instrument par la passion du Seigneur. Et on dit à propos des chrétiens du 1er siècle, un ouvrage déclare. Attends, s'il te plaît. La citation de ces encyclopédies catholiques est donnée. C'est fini. Tu as envie d'aller sur un autre. Mais regarde bien, ces catholiques-là sont en train de vouloir dire clairement. En fait, c'est même contre eux. Parce que eux qui représentent l'esprit de la loi. Catholique encyclopédia. On dit à propos des chrétiens du 1er siècle, un ouvrage déclare ils n'utilisaient pas le crucifix. Ni aucune autre représentation matérielle de la croix. Non, c'est exactement ce qu'il dit ici. Regarde, Michel, ce qui est dit là-bas, c'est que, n'est-ce pas, c'est que dans l'utilisation culturelle, on n'utilisait pas la croix, comme tu vois, les gens sur les dénominations, on a mis les croix comme ça là. C'est ça que l'on a dit, parce que les premiers chrétiens n'utilisaient pas ça. Et je vous ai dit que aucun chrétien, les vrais chrétiens n'utilisent pas cela. Mais ici, nous parlons de là où Jésus est mort. Là où Jésus est mort, soit sur le poteau, soit sur une croix. Le fait que Jésus est mort sur la croix, ça ne me donne pas le... Comme ils ont commencé à sortir des choses, qu'il y a la Sainte Graal, on a trouvé le clou caché de Jésus, ça ne m'intéresse pas. C'est sa mort qui est l'intéressant. Mais le problème, c'est que j'étais en train de parler à vous parce que vous sortez vous prêcher et vous dites, comme Alex a dit, que vous êtes les seuls vrais et c'est vous qui annoncez le royaume. Je vous en ai dit, faites attention au Jésus que vous en avez annoncé. C'est ce que je vous en ai dit. Parce que si votre Jésus n'est pas mort conformément à ce que le vrai Jésus que l'histoire connaît, alors vous en avez annoncé un autre Jésus. Okay. C'est tout ce que tu vois ce qui me réjouit dans ta parole. Mmh. Hein? Mmh. Tu sais ce qui me réjouit parce que je dis si. Oui. Okay, moi, je... Absolument, absolument. C'est l'expression là oui. qui me réjouit beaucoup. Qu'est-ce que vous avez quoi? La mort du Christ ou bien les œuvres qu'il a accomplies par sa mort? Non, c'est pas comme ça. C'est pas les œuvres qu'on accomplit. On annonce tout. On annonce ce que la Bible a dit de lui. Donc, quand on annonce vous parlez, que, on annonce... quand vous voyez peut-être vos amis qui ont des problèmes sur la Bible, mm-hmm. vous leur parlez de la mort du Christ et vous, j'espère que vous commencez à parler de la croix là, mm-hmm. pour certains à la mort. Tu as d'affirmer ou tu as de me demander ou tu affirmes? C'est une question. Parce que est-ce que vous savez oui, que... Est-ce que vous êtes conscient de cela? Parce que... Adorer qui? À vous entendre parler de la croix. Oui. Comme s'il fallait la vénérer, l'adorer. Putain, tu entends ça? Façon, tu entends ça, Alex? Non, ce n'est pas ça son problème. Non, ce n'est pas ça. La personne ne nous intéresse pas. Non. Quel que soit le sujet là-bas, attention, si on prend par exemple maintenant. Julien, le problème c'est que comme il ne te connaît pas. Ok. Non, je te prête ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Alex connaît le problème. Moi je connais son problème. Oui. Ça nous intéresse. Alors, attends, je vais te montrer. C'est la porte qu'il a. Non, attends. Attends, regarde, n'est-ce pas? Je vais te montrer. Attends, mon cher. Je vais te montrer effectivement que sa mort a une raison et on doit savoir exactement de qui est-ce qu'on parle. Première chose, tu as dit tout à l'heure là que tu as suivi un documentaire de francs-maçons. Les francs-maçons démontrent que Jésus est mort comme ça là. Les francs-maçons servent-ils le Jésus-Christ de la Bible? Le Jésus-Christ de la Bible, les francs-maçons. Oui, les choses, bon, ça c'est vrai qu'ils ne servent pas, mais... Tu te penses donc que s'ils ne servent pas ça, ils servent qui déjà? Ils ont juste pris leurs images pour montrer... donc c'était un documentaire. Ok, si c'est un documentaire, n'est-ce pas? Je pose la question. Mais ils ont juste pris... Là où nous sommes comme ça... Une illustration. Là où nous sommes comme ça sur la table et par conséquent tout le monde entier. Chaque personne fait partie des deux royaumes. Soit potentiellement pour Dieu, soit pour Satan. On est d'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un est servi comme franc-maçon, Rose-Croix, Témoin de Jéhovah ou bien le catholique pentecôtiste, chacun sert une des deux, là, soit Dieu, soit Satan. Si le franc-maçon ne sert pas le Jésus de la Bible, c'est qui? Mais le diable. Ok, si c'est le diable, quel est son intérêt à te venir te présenter le vrai Jésus? Quel sera son intérêt si c'est le vrai? Toi, en tant qu'être humain. Dans tous les cas, ce que je t'ai dit, c'est que je n'apprécie pas ce qu'ils font. Non, tu as de les virer. Je ne parle pas de ce que les francs-maçons font. C'est de voir comment est-ce qu'ils expliquent la manière. Alors, Alex, voici ton collègue qui vient de me montrer par là que Satan peut venir lui expliquer des choses qui sont vraies. Il croit. Non, je vais te prendre un exemple. Déjà, un serviteur de Satan vient te prêcher. Je vais vous prendre un exemple biblique. Je vais prendre un exemple. Moi, je vais prendre un exemple. Il n'embrouille pas, c'est selon ses déclarations que je ne parle. Tu l'appelles maintenant l'enfant, alors que c'est lui qui va prêcher au grand. C'est pas ce qu'il a tient de dire. Moi, je vais prendre un exemple. Il dit que ce qu'il a intéressé, c'est ce qu'ils ont dit. Parce qu'il ne veut pas voir ce qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire que si le diable vient, il lui dit ce qui est vrai. Il s'en fout du fait que le diable est diable, mais il croit ce qu'il dit. Non, le diable lui reste diable. Voilà, et ses serviteurs, Alex. Et ça n'empêche que qu'il puisse reconnaître une certaine vérité. Je vais prendre un exemple. Oui. Je suis d'accord que parfois le diable reconnaît certaines vérités. Non, Satan dit même 90%. Ok. Non, il y a le cas de pendant que les pierres, je ne sais pas, Pierre avec qui prêchait. La servante dans la chapitre 16. Qui disait que ça, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Oui. Est-ce qu'elle mentait? Non, elle disait la vérité. Mais ça n'empêche que. Elle servait les intérêts du diable. C'est-à-dire que ce qu'elle disait là, c'était pour l'intérêt du diable. Du diable. Voilà. Mais elle disait la vérité. Il n'y a même pas une fausse de quelque chose là-dedans. Voilà. Elle disait exactement la vérité. Donc, si peut-être, pendant qu'il voyait cette émission de tout le franc-maçon. Donc, elle a écouté la révélation chez Satan. Donc, Michel a écouté la révélation de chez Satan. Mais il y a juste un aspect. De la documentation qui mais Jésus dit que Satan est menteur et père de mensonge. Quand il dit quelque chose, il manque de son propre fond. Donc ça dit que les francs-maçons sont des menteurs parce que un serviteur du diable va dire ce que le diable dit. C'est quoi? le documentaire a juste illustré. Mm-hmm. Et tu as cru, non? Il n'a pas cru. Non, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que ça s'est venu conforter ta position pour montrer clairement que parce que les preuves qu'ils ont posées étaient solides. C'est ce que tu as dit aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui croient. Ils croient dans la Bible. Comment ça va dire? Parce que ce que moi j'ai dit est très pertinent. Et si vous n'avez pas d'abord une pensée, donc un point de vue déjà. Contradictoire. Déjà posté. Parce qu'avant, avant qu'on a rien, vous m'avez que. Depuis notre discussion, depuis le début de notre discussion, vous avez déjà votre point de vue. Non, c'est pas ça. Et donc, vous n'êtes pas disposé à comprendre ce que on nous dit. Vous n'êtes pas disposé à changer votre point de vue malgré tout. Michel, attends d'abord. Je veux que tu sois honnête avec moi. Oui. Quand toi, tu sors pour aller prêcher, est-ce que toi, tu es disposé à changer ton point de vue sur quoi que ce soit? Quand je sors pour aller prêcher, oui. Je ne suis pas juste pour aller peut-être imposer les... Non, réponds-moi la question. Tu ne vas pas répondre. Il ne parle pas que de toi vers l'autre. Il dit que est-ce que toi, tu es prêt à changer ton point de vue sur ce que tu connais de votre Bible? Si tu as quelque chose de positif oui. et de véridique, oui. je peux comprendre ce que tu me dis. Non, mais tu n'as pas répondu à la question. Il dit est-ce que tu es prêt à changer si on te montre que c'est clair? Non, tu n'as pas dit. Qui va le monde? Du coup, c'est ce qui est clair. Donc, non, attends, Alex ne répond pas pour lui. Il a dit que lui, il a constaté qu'avant de sortir de la chambre, j'avais un point de vue calé là-dessus. Ça veut dire que je ne suis pas disposé à changer quelque chose. Est-ce que toi qui es là devant moi, tu es disposé à ce qu'on te montre que toi-même tu changes? Tu changes un point de vue par rapport à ce que vous avez montré? Si c'est conformément à ce que la Bible dit, je peux changer. Tu vas changer. C'est-à-dire que même si. C'est conformément à ce que la Bible dit. Non, attends, je pousse encore la question plus loin. Tu ne prouves pas la Bible oui. que ce que je si c'est pas la Bible, si c'est pas la Bible, si c'est vrai et que ce que le témoin de Jéhovah enseigne, que ces choses-là est contraire, est-ce que tu es prêt à sortir de là? Déjà, le témoin de Jéhovah n'enseigne pas ce qui est contraire. Donc, ça veut dire que tu as dit, Vladi, par là, que tout ce que tu dis est vrai. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu me manques. Ce qu'ils ont déjà dit. Qui est faux? Est-ce que alors, tu vas sortir de là? Si tu te montres des choses qui sont dites qui sont fausses, que tu es prêt à sortir de là. Là n'est pas le problème. Non, frère, laisse-le venir. Non, là, tu ne peux pas. Non, tu peux répondre pour lui. Ça, un individu, il parle, il donne des arguments, il est conscient. Je repose encore la question maintenant. Parce que j'ai dit si que je te montre. Sujet, non, ne t'inquiète pas, garde le sujet, Alex, parce que c'est important, c'est âme à âme là maintenant. Est-ce que si je te montre les choses que la Watch a toujours enseignées et que c'est faux, et que je te montre aujourd'hui autre chose et que c'est faux, tu es prêt à sortir de là? Et que ce que tu m'en préfères. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné le faux. Et je demande ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vas sortir de là, tu es prêt à sortir là où tu es, tu es prêt à prendre l'engagement. Il n'y a rien qu'on puisse me montrer que la Bible est dit et qui ne considère pas ce que la Washington. Donc, ce que tu as envie de dire là maintenant, mon cher Michel, c'est que quand tu viens chez quelqu'un, tu as déjà ton idée aussi. Je n'ai pas prêt à changer parce que tu as le vrai. Non. C'est ça. Il y a ça, non? Est-ce que tu sais quoi? Oui, mais Michel, lui, vient de prêcher. Parce que c'est qu'il est là. Attends, Michel, dis-le la vérité que quand tu viens. Comment il tourne? C'est pour le prêcher. Michel, c'est qu'il est là, le vrai. Oui. M'a permis de mourir encore. T'as répété. Est-ce que jusqu'à là, c'est pas le problème. Et pourtant, si je venais avec un point de vue, stop. Non, jusque-là, ne me tourne pas. La question que j'en ai posée, c'est ceci. Est-ce que tu es prêt? En venant, tu admets avec moi qu'en venant, tu connais déjà tout chaud et on ne peut pas te désarmer par rapport à ça, non? Si oui, on arrête, on continue. Ne me tourne pas. Je dis peut-être qu'avec Michel, pour arriver là où il est arrivé, là, au niveau de la conviction qu'il a menée, ce n'est pas un an, c'est depuis toute l'enfance qu'il a étudié les écrits de la Bible. Il est chrétien depuis l'enfance, Alex. Les slaves fidèles et avisés. Il est chrétien depuis l'enfance. Non, pas depuis. Non, il se voit. Ben, là, c'est autre chose. Naître dans l'organisation de Jéhovah et devenir ministre de Jéhovah, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Quand ton fils, maintenant, il a dit le grandir, à un moment donné, tu vas lui donner, lui-même aura fait son choix. Voilà. Donc, Michel aussi a grandi dans ce contexte. Jusque-là, il ne me répond pas à la question. Ça ne me répond pas à la question. Non, tu ne peux pas attendre un peu. Il m'a dit clairement, c'est lui qui a affirmé qu'en sortant, il a constaté qu'en sortant de la chambre, j'avais mon idée fixée. Il n'était pas prêt à suivre une nouvelle chose. Est-ce que lui, donc, il pose la question en quittant de chez lui, en venant là, est-ce que tu es prêt à ce qu'on te dise une nouvelle chose, toi-même tu crois, et sans en disant moi? Hein? Oui. Donc, on prend. C'est la vérité, bien sûr. Mais si, après, bien, c'est la vérité. On me dit quelque chose que on n'a pas enseigné depuis longtemps et donc je ne suis même pas sûr, je crois. Si il dit maintenant que la what, que les témoins de Jéhovah enseignent deux dieux, qu'est-ce que tu vas dire? Que vous avez deux dieux chez vous. Que c'est déjà fait. Parce que vous avez un seul dieu. Prends ta Bible. Ouvre ta Bible donc. Excuse-moi, Alex, donne-moi un succès. Prends 5 minutes. Ouvre Jean chapitre 1. verset. Lise le verset 1 chez vous là. Verset 1 seulement. Allons-y. Au commencement, la parole était. Au commencement, la parole était. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était un Dieu. Ça fait combien de Dieu? Regarde un peu l'écriture. C'est moi qui t'ai envoyé le nom de Jésus. Ça veut dire que ça veut dire que je l'ai. Donc, dans le, que c'est moi qui t'ai donné. Tu as vu l'écriture, n'est-ce pas? Oui. Dieu, si. Lorsque le deuxième du Saint, c'est avec quoi? Petit D. Petit D, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ce n'est pas avec grand D? Attention, c'est moi qui ai pris le verset. Je t'ai posé une question. Tu as pris le verset, mais si. Il faut qu'on comprenne. Non, permets-moi donc de te poser une question. Oui. Le premier Dieu, c'est avec quoi? Avec grand D. Le deuxième, c'est avec quoi? Petit D. Ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. Ok. Donc ça veut dire que vous prêchez qu'il y a deux dieux. Qui est la parole? Non, attends. C'est pas le problème de la parole. Le problème, c'est pas au niveau de la parole. Attends d'abord. Moi, je vous ai posé la question. Non, je vais d'abord. Je réponds à vos questions. Je dois aussi m'exprimer. Ok, donc permets-moi de poser donc. Allez, s'il te plaît, c'est avec lui et moi. Non, enfin, c'est le sujet là que moi, je voulais. Non, oui, on arrive. Donc, permets-moi, donc, comme je l'ai abordé, je ne sais pas quel sujet je devais aborder, mais c'est parce que je voulais montrer seulement quelque chose. Là-bas, on dit qu'il y avait un Dieu. Et vous avez écrit avec grand D. Et à un autre endroit, vous écrivez avec petit D. Permets-moi de poser une question. Est-ce que les deux dieux là, c'est la même personne? Ok, bien. Toi, tu es d'accord avec moi qu'à l'instant où il y a un grand D et un petit D, il y a une seule explication, c'est qu'il y en a deux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord. Ok, donc ça va. Donc je comprends donc qu'il y a deux. Tu as embrouillé là. Mais comment il embrouille? C'est lui qui a dit. Il a dit clairement. Les gens. Est-ce que vous-même d'abord? Il a dit clairement qu'il est grand, donc il ne peut pas l'embrouiller.